confiance achète. L'amitié ça paye pas si l'amour est avec. Pour maman je serai Charles. Un oeil sur ma montre, c'est mon air qui approche. Avant de bouger d'ici, je vais faire danser mes proches. Toujours les mêmes, j'ai pas changé. J'ai blessé des gens, j'en suis désolé. Le soir chez moi, je rate cesse pour me consoler. Toujours les mêmes qui m'ont suivi et les mêmes qui m'ont haï. J'ai pas changé d'équipe. Un jour pas qu'à passer sans m'a dit moi au papa. Sur Trace FM. Maman et pas pas laisser. Maman a fait ça IP pour moi moi l'amour mais pas ni assez. Est-ce que c'est faute de moi papa? Pourquoi ou abandonné moi? Moi en pas m'en défaite pas m'en décide. Non quand ni en rage en moi. Et yo pas qu'à comprendre moi. Pas qu'à comprendre ça qui en tête en moi. Les yon qu'à vrai papa qui disent mis en moi. Ça qu'à arracher que en moi. Les yon qu'à balander ou qui profession. Pas qu'à baisser tête en moi. En PKP mais tellement on t'est dit la vie n'est pas moi encore. En manifeste encore. En jacou mais goût mais tellement on t'est dit que tête lavée pas encore. Analyse, analyse, analyse. Baby won't you come my. Le beeper Tijo Sound sur Trace FM. Girl, but I left a wet like sandy. Pull up all white, got me thinking that I'm Andy. That was taking me for granted. Now I'm flying, no landing. Run it up, trap me in my pocket. Had it took off to the moon. Ferragamo on a rocket. Bandit, bandit, bandit, bandit, bandit, bandit, bandit, bandit. All of this guap, I'm a bandit. Soon as it drop, I'm a bandit. I want that guap like a bandit. Bandit. Bend it, bend it, bend it, bend it. So passe tout ça sur buté, deviens un acte héroïque. J'ai moulé ma chance à voir la cocaïne et l'héroïne. Ma jeunesse, attention, ne supporte plus les moqueries. La rage est dans le cœur, les yeux couleurs et mauvais. Cette hygiène, la calée, pêche, ou les grands panis combinent. Souvent, trop mignon, ta femme, espoir, qu'on nous combine. Des prières, ça mouffe, bienvenue sur mon île. C'est juste la même histoire, qu'après, t'as différent comme une boîte ou pas gagner, qui la caravelle à ses photos profil. On sent où étonné à d'un petit bout un beau profil. Chaque son qu'elle grise, t'as mis ça confirme. T'as mis à paniquer, à des capotes et un film. C'est MG man nous j'acconnette. Même assis trap nous qu'on poète. Ouvrez des trucs même nous oui polaire. Quand manque au pixel et codec. Même face à la bêtise on reste correct. L'équipe pour mon ligne a pas fait coller. Elle veut les collègues nous pas fait collecte. Mon monique aime toujours quand on est. Le beaver fort Dijon Sound sur Trace FM. It's about that time. What time is it? On s'équipe les gars. Appuie sur le bouton. Quel bouton? Quel bouton? Il y en a des millions de boutons. C'est parti. C'est nous. Vous êtes quoi? Une bande de super-héros? Lui c'est Yannick, notre chef qui n'a peur de rien. On les vanne, on les piège, il faut que ça saigne. Nessie c'est la brute épaisse. Pourquoi moi? Pourquoi vous m'embêtez les gars? Enfin... bref, passons. Sabri, c'est un vrai génie. Et moi, c'est nous, le double H élégant et irrésistible. Et mec, ça te dérange pas si on démarre l'émission? Bref, on est la génération 9-7. Lancement. Trace. Guadeloupe, Martinique, Guyane. Prends la parole dans la première libre antenne des Antilles Guyane. Génération 9-7. Bonsoir tout le monde. Hello. On est de retour, on espère que ça a été de votre côté pour la journée. On vient se détendre évidemment, on vient parler, on vient libérer la parole, cultiver notre droit le plus ultime à la liberté d'expression. Ouais. Comment il va? Le gogo. Il va super bien et toi Yannick? Go. C'est ton jingle, c'est pour ça. Et si on fait le tien Yannick? Nick. J'ai jamais rêvé de faire ce pseudo-là avec toi en fait. Mister Sabri est là, il s'est déjà distingué. Yo. La Miss Nessie aussi. Hello. Lilou. Bonsoir, bonsoir. Et on a un novateur ce soir. C'est donc Yoshi qui le remplace. Merci Yoshi d'être là. Merci. L'homme à terre, terrassé par une terrible gastro-entérite. Donc c'est pas l'homme à terre, c'est l'homme ouaté. C'est l'homme ouaté. C'est très bon pour commencer ça. C'est bon, on a fini, on a fait l'émission, on peut se casser. C'est bon, on a une bonne vanne, ça y est, c'est bon, on peut partir en week-end, tiens, on est mercredi, on part en week-end. Bref, 0820-203-200, bon établissement à Mister Keshi, qui nous écoute du haut de son trône. Ce soir, c'est Game of Thrones pour Keshi. Et pendant les 4 jours à suivre, évidemment, ce mercredi 14 septembre, vous êtes nombreux également concernés par cette épidémie de Jijit. Ouais. Il paraît que c'est cette semaine d'ailleurs le point culminant de l'épidémie en fait. T'imagines, il y a des météorologues. Tu sais, ils te disent genre il va faire beau demain et puis il fait pas toujours beau, ok? T'imagines, il y a des astrologues, tu sais, qui te prédisent en fait ce que va être ta journée quand ils regardent dans ton signe. Et puis il y a peut-être, probablement, des scientifiques, des docs, je sais pas, log de quoi, des cacalogues, peut-être on va les appeler, qui prévoient à un moment ou à un autre qu'il va y avoir un pic d'épidémie, tu sais, un pic d'épidémie de la cacarelle. Il paraît que c'est entre cette semaine et le début de la semaine prochaine. Si vous ne l'avez pas encore eu, ça va chier ce week-end. 0820-203-200, moi-même Yannick pour vous servir. On est content de vous retrouver, la radio est libre. On se remet tout doucement. Évidemment, on est encore sous le choc évidemment de nos émotions de cette énorme histoire horrible. Hier, dans la fin de la journée, en fait, un jeune garçon a laissé sa vie aux abords de son établissement scolaire, poignardé. Un jeune garçon du prénom de Johan. Les témoignages se sont fait très très nombreux sur l'antenne pour donner sa réaction. Pas seulement d'ailleurs de la Guadeloupe, également de la Martinique, de la Guyane. La violence et la rentrée, ça devrait pas rimer ensemble. Et pourtant, effectivement, ben, on constate que chaque fois, on est un petit peu dans l'expectative, dans l'attente. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué aussi, mais les gens sont tellement un peu... Alors, il y a deux catégories de gens. Il y a les gens qui sont très peinés par cette histoire, qui ont décidé de se mobiliser, de créer un certain nombre de mouvements. Et puis, il y a les gens qui attendent le prochain, entre guillemets, buzz. Genre, il y a quelqu'un qui meurt, tu sais, ce matin, du côté d'un point d'appui, ils se disent « Aïe, bon Dieu, on a encore tué quelqu'un !» Ces gens qui sont à la recherche de sensationnalisme, qui n'hésitent pas à poster leur note audio sans vérifier leur information, font croire donc qu'il y a une série terrible de je ne sais quoi, peut-être qu'on s'en prend à quelqu'un, on entend la maman pleurer dans le fond. En fait, il dit que c'est la maman, ça se trouve c'est peut-être même pas la maman en fait. Il paraît que c'était juste un arrêt cardiaque. Alors je dis juste, évidemment c'est jamais drôle de parler de la mort. Non. Donc à un moment ou à un autre, oui, c'est une information, il y a quelqu'un qui est mort. Dire que quelqu'un a été encore tué à Pointe-à-Pitre ce matin, ça n'a rien à voir. Je dis ça, je dis rien. Pour ceux qui s'emballent rapidement sur les groupes WhatsApp. Hashtag G97, hashtag TraceFM. De la mobilisation de la part des auditeurs hier soir et de la mobilisation de la part des artistes très rapidement. Et tout ça autour de Johan. On peut citer parmi eux, Sabri. Mister Dali qui a réagi assez rapidement. Il y a aussi Admiralty qui a d'ailleurs carrément fait un son aujourd'hui, qui a été largement partagé sur Facebook. On a Warped aussi qu'on aura tout à l'heure. Et tout de suite TKMJ. Ah, TKMJ est avec nous au téléphone. Bonsoir TKMP, comment ça va? Salut Timal. La forme tranquillement. Ben on essaye de tenir. Il y avait un dress code un petit peu particulier. Il y a des choses qui se mettent en place évidemment autour de Johan. Toi, tu n'as pas ton pareil. T'as pas ton pareil pour chanter la réalité, pour chanter sur ce genre de thème. Ça t'a inspiré peut-être, mais en même temps, ça t'a forcément. T'es encore peut-être sous le coup de l'émotion. Par rapport à ce qui s'est fait en Guadeloupe. Yes. Bon, j'ai envie de te dire que maintenant, ça me choque moyennement, parce que ça, c'est un truc qui dure depuis longtemps en Guadeloupe, tu vois. Ouais. Et c'est un truc que normalement, enfin bon, je vais te parler de l'État. L'État, normalement, aurait dû déjà régler ça, tu vois, c'est-à-dire de mettre des dispositifs de police à l'entrée, à sortie de lycée, sortie de collège, tu vois. Donc ça, c'est un truc qui dure depuis... J'ai envie de te dire depuis à l'époque où j'étais au collège toujours. Tu vois? La violence a toujours fait partie à un moment ou à un autre de la vie. Est-ce que violence est... C'est juste peut-être le cap que passe la violence aujourd'hui. C'est peut-être l'histoire de trop peut-être. J'ai beaucoup de respect évidemment pour d'autres personnes qui ont pu tomber pour des histoires similaires. Mais c'est peut-être l'histoire de trop qui fait que je sens qu'effectivement il y a une espèce d'élan de toute la population qui a envie de se mobiliser. Il y a un trop plein. Mais bon, là, c'est un travail à faire sur, je pense, sur la jeunesse maintenant. Ouais. Un travail à faire sur la jeunesse. Et c'est aussi la faute des parents, si j'ai envie de te dire. Ouais. C'est l'éducation. Parce qu'il n'y a pas d'éducation. Et maintenant, les jeunes, ils ont accès à tout. Donc, dans les clips, ils voient qu'il y a des grands à eux qui font du n'importe quoi dans les clips. Donc, tout ça, ça agit sur leur mental. Tu vois? Ça agit sur leur mental. Donc s'il n'y a pas de père ou il n'y a pas de mère pour les assister, donc ça devient du n'importe quoi. Est-ce que c'est seulement le job des parents en fait finalement d'encadrer leurs enfants? Est-ce que c'est pas tout, le job tout, est-ce que c'est pas le job des grands frères aussi tout. Petits frères oui, peut-être, des tontons, de peut-être des gens du de quartier aussi. Ouais. En fait de la famille. Mais après, il faut savoir qu'en Guadeloupe, même la famille néglige leur petit, tu vois. Ouais. Donc voilà. Moi, je pense que le travail, même si un travail sur le jeune, même parce que la violence, en fin de compte, ça veut dire, ça t'amène à rien, ça t'amène pour écouter. Parce que le petit, là, qui a fait ça, moi, ça me peine, j'ai envie de te dire, ça me peine, non seulement pour le jeune qu'on a tué, et pour le jeune qui a commis ce meurtre. Tu vois? Parce que c'est un jeune de 15 ans, là, il va se retrouver en prison. C'est voilà, mais c'est la faute des parents, j'ai envie de te dire. Camp, je crois que t'es pas venu en plus les mains vides. Je crois que t'as un titre, on va en parler dans un petit instant. Je sais pas s'il a été motivé par cette histoire de trop, comme tu parles de trop plein. Est-ce que c'est à peu près le même thème? Est-ce que c'est quelque chose de complètement différent? Non, c'est à peu près sur la violence Guadeloupe. Ouais, on va écouter ça dans un petit instant. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle Irréel.

c'est déjà moi qui pas bon. Et pourtant c'est moi ou l'est. Moi ni l'amour maladouette. Pour qu'à plaire, yo qu'a dit c'est moi qui mauvais. Yo dis ou pas mérité moi. C'est pour Tchéo qui pas bon. Et pourtant à ton molé. Oh non. Tout gagne l'amour maladouette. Pour qu'à plaire, yo qu'a dit à tout qui mauvais. Moi pas si mauvais. Mais ni. Guyane, le soir, exprime-toi librement dans Génération 97 sur Trace FM. Hashtag G97, hashtag Trace FM, il y a du c'est qui. Ouais, on cherche une personnalité, elle peut être locale, nationale, internationale, à travers ses indices. Oui, alors je parle anglais, français et arabe. J'ai déjà reçu une balle dans la tête. Et ma famille a immigré aux États-Unis lorsque j'avais 13 ans. Voilà des propositions, peut-être qui arrivent du côté du standard pour faire la vôtre, repartir avec les cadeaux. Qu'est-ce qu'on a dans les cadeaux là à offrir? On a des places pour Tarus Riley en Martinique, ça sera le 30 septembre domaine prochain. De l'Oasis. Yes. On a des places de cinéma également pour les trois départements. Tu recommandes quoi comme film cette semaine? Dans le noir. Ok, dans le noir à l'unisson aussi. Hein. Ah oui. Okay. Dans le noir. 0820 203 200 pour faire vos propositions. Hashtag G97, hashtag Trace FM. Vous le savez désormais aussi, Kalash est devenu un personnage à part entière de l'émission, un co-animateur dans la rubrique Canular. Et c'est son Hey Baby Allo qu'on utilise tout à l'heure. Et évidemment, en différentes paroles de ses chansons pour voir ceux qui le reconnaissent, ceux qui interagissent avec lui. Un Hey Baby Allo débarque dans un petit instant, mais d'ici là, c'est Dali qui nous rejoint du côté du standard. Bonsoir Dali. Salut Dali. Ça va? Salut. La forme? Ouais, ça va, cool. Il faut préciser un truc, c'est que tu as effectivement, par rapport à l'actualité, une chanson qui résonne encore plus fort depuis hier. Il s'agit de ton titre 100. C'est d'ailleurs le titre sur lequel on avait choisi de démarrer l'émission hier soir. Entre-temps, dans la journée, par rapport à cet événement terrible qui s'est passé aux abords de Bainbridge, en fait, à Pointe-à-Pitre, beaucoup de gens ont essayé de te contacter. Tu as pas forcément voulu donner suite en fait à toutes ces personnes qui t'ont contacté. Ouais, parce que bon, tu sais, il faut parler correctement. On est en antenne. On est à l'antenne. Non, mais clairement, déjà, bonsoir à tous les auditeurs de Trace FM, déjà d'un premier temps. Bonsoir à tout le monde, à toute l'équipe, je vais reconnaître. Hein. Salut, salut. Hello. Bon voilà, bon, en fait non, j'ai pas voulu donner suite simplement parce que j'aime pas le côté rattrapé quoi, tu vois, ça m'énerve même un peu quoi. Tu penses aujourd'hui qu'il y a des gens qui ont l'esprit assez mal placé justement pour utiliser cet événement? Ouais, c'est comme ça, c'est les médias, ça dit un peu clairement, c'est parce qu'il faut en parler aujourd'hui, tu vois, et c'est pas depuis hier que c'est le problème quoi, tu vois, c'est-à-dire que c'est triste à dire que mais c'est pas le premier garçon, premier enfant qui se fait braquer aux alentours de cet établissement, tu vois, ça fait longtemps. Donc malheureusement ça arrive jusque là, mais ça fait longtemps qu'il y en a plein qui se font racketter. Il y a déjà eu des morts, tu vois, c'est-à-dire que c'est pas une nouvelle quoi. C'est-à-dire que c'est un trou plein certes, mais moi là où ça m'énerve un peu, et c'est pour cela que le titre te dit toujours que le sang qui est toujours coulé, le sang coulera toujours. Parce qu'en fait, on se prend pas en main sérieusement, tu vois, c'est tout est en surface. C'est un peu génération McDonald's, hein, mon gars, c'est-à-dire que on en parle aujourd'hui, mais demain, est-ce qu'on en parlera toujours? Qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire que là, c'est bon, quoi, c'est-à-dire que on est tous conscients de ce qui se passe, mais après, chacun attend sur l'autre. En disant ouais faut nous faire, ouais pour les tabacs à rien, ouais les tabacs à rien, nous va pas compter c'est l'État. Et quand tu demandes aux gens alors vous proposez quoi, tout le monde cagade tout le monde, tu vois, donc c'est bon, tu vois, il n'y a pas plus tard que pendant le tour de la Guadeloupe, pour parler sincèrement, il y a eu malheureusement un jeune homme qui est mort avant le tour de la Guadeloupe. En termes de sécurité routière, il y a eu beaucoup, je pense que sur les réseaux tu as vu aussi, tu vois, il y a eu énormément d'émotions et des réactions. Ouais. D'émotions, de personnes qui ont été touchées par ça. Excuse-moi, mais que ce soit Guadeloupe ou Martinique, tu as vu qu'il y a quelque chose qui se passe en termes de sécurité aussi? Alors, j'ai l'impression que le truc qui est peut-être un petit peu différent, alors il est peut-être un petit peu trop tôt pour le dire, mais j'ai l'impression que la mobilisation sociale a l'air d'être plus intense, peut-être aussi parce que pendant un moment, personne n'a rien fait. C'est normal. Ouais. Une semaine de la rentrée, mon gars, il y a un jeune qui se fait braquer, qui en tue pour un téléphone. Chacun se sent, mon gars, j'ai des neveux, j'ai pensé à mon neveu direct. Il y a des gens qui vont penser à leur enfant. Mon gars, ça peut arriver à ton fils. Tu te rends compte, ton enfant, tu le matin, disons, il part prendre son bus scolaire pour sortir de là où il est, pour aller à l'école, pour apprendre. Il sort de l'école, c'est pas genre qu'il était dans la rue en train de traîner. Il sort de l'école en train d'attendre son bus, il se fait braquer. Tu vois, et c'est malheureux. Et il y a beaucoup de choses que malheureusement qui sont tristes, mais c'est une réalité. Les parents qui se mettent aux alentours, aux abords des établissements pour aller chercher leurs enfants par rapport à la sécurité, on leur fait des amendes. Et tu vois, c'est vrai que c'est un peu chacun voir midi à sa porte, parce qu'effectivement ces trucs qui créent des ralentissements quand les parents effectivement se garent, tu sais, en double file ou machin, etc., pour déposer ou récupérer leur enfant. C'est vrai qu'à un moment ou à un autre, c'est eux-mêmes l'inquiétude d'avoir véritablement posé dans un endroit sécurisé. Est-ce que ça l'est d'ailleurs? Donc, totalement, en fait, quand tu poses ton enfant à l'école, mon gars, tu es censé te dire qu'il est en sécurité, c'est pas qu'il va mourir en sortant de l'école. Ouais. Donc tu vois, il y a un problème de fond. Et ça, il faut arrêter de se voiler la face. Tu vois, c'est qu'il n'y a rien qui se passe. Maintenant, on a beau parler, on a beau babiller, on a beau faire de la politique. Tu vois, tu as compris ce que je veux dire. Hein. Ouais. Je te laisse poser des questions. Je veux débattre. Alors justement, on a compris pourquoi tu as dit non à tout le monde. Et pourquoi nous dire oui à nous, en fait, pour t'exprimer? Non, mais tout simplement, et je le dis, je l'ai dit tout à l'heure même à vos poteaux, c'est-à-dire que clairement, tu vois, ne serait-ce que... Tu vois, j'ai pas envie de parler de ça à titre promotionnel, ouais. Mais moi, quand j'ai décidé ne serait-ce que de faire ce titre, parce que je sentais que le truc était, de par le fait, par rapport à ce que je mène en termes d'action, que ce soit associatif et en termes d'insertion, je vois qu'est-ce qui se passe, je sens que ça monte, tu vois, je sens que le truc est chaud, je sens que le truc est tendu, je sens, mais ça va loin, c'est un problème qui est beaucoup plus en profondeur que juste la surface, j'aime pas ça, rien, ou pas trouver au travail, il y a un problème, il y a des parents qui sont encore à dos, qui, tu vois, des parents qui sont encore en mode, qui ne sont pas dans un esprit d'éducation. L'enfant, comment t'expliques à l'heure actuelle, nous sommes en 2016, que tu peux trouver un enfant à 10h, 11h du soir encore dehors? Est-ce que je sais pas si tu comprends, comment t'expliques? Tu vois, il y a plein de problèmes, mais on est toujours en train de se voiler la face en disant l'État n'a pas fait rien pour nous, tu vois. Et de par tout ce que j'ai pu penser et voir de ce qui se passe, parce que tu vois, je ne peux pas rendre un enfant victime, parce que l'enfant ne n'est pas un criminel. Tu vois, j'explique, l'enfant est né innocent. S'il arrive jusque-là, c'est qu'il y a un problème. Le problème est de fond. Tu vois, en fait, tu n'excuses pas forcément l'acte, en fait, de celui qui a porté les coups de couteau, mais quelque part, en fait, tu dis qu'il y a une responsabilité qui dépasse le... Lui aussi est une victime, en fait. C'est même la note, mon gars. Ouais. La responsabilité, c'est même la note. C'est même du fait que tu vois quelque chose qui se passe à côté de toi. Toi, tu la première chose, tu vas dire, moi, même pas mis les moins, parce que moi, même pas ça, bitin, tu vois. La responsabilité, c'est la note. On voit les choses, on fait comme si qu'on voit pas. Tu vois. Mais je trouve qu'on accable beaucoup les parents, je trouve, depuis quelques temps. Enfin, depuis les derniers événements, on rejette beaucoup la faute sur les parents, alors qu'il y a des parents qui sont derrière leurs enfants. Mais les enfants font certains choix aussi. À 15 ans, tu fais le choix d'aller à l'encontre de l'éducation que l'on t'a donnée jusqu'à présent. C'est possible, ça aussi. Relatif. Maintenant, au niveau de l'éducation, ça c'est un vrai débat. On peut pas en parler en 2 minutes. Au niveau de l'éducation, malheureusement, il y a les parents qui essayent, qui n'y arrivent pas. Il y a plein de choses. On peut pas jeter la pierre sur une éducation mal faite, même si, parce qu'il y a des parents qui ont beau vouloir et essayer, ils n'y arrivent pas. Parce que voilà, il y a un enfant qui a un tempérament, il y a un enfant qui a un caractère, il y a plein de choses. Tu vois, donc ça c'est un débat, mais c'est-à-dire qu'il faut aller au niveau de l'éducation même, en termes de ceux qui étaient capables. Avant, quand tu voyais un enfant, nos parents voyaient ta génération, ta mère faire une bêtise, c'est lui qui sectionnait ton enfant. Maintenant, personne n'a le droit de faire quoi que ce soit. C'est-à-dire que personne ne se mêle, personne ne voit, personne n'écoute, personne ne sait. Tu te fais cambrioler chez toi, tu es le voisin, tu vas faire comme si tu ne vois pas, parce que tu as peur que quelque chose t'arrive. Maintenant, voici la vérité, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Et maintenant, le jeune en lui-même, qui est dans une situation précaire ou qui est une situation d'envie, parce que là, il faut qu'on se le dise, hein, les enfants, les jeunes, ils sont très méchants entre eux. Donc lui-même, il y a un système de consommation qui fait que chacun est dans une fast life. Tout le monde nous montre en termes de médias qu'il y a ci, il y a ça, tout le monde est bling, tout le monde c'est gros voici, tout le monde, les footballeurs gagnent un paquet d'argent, 1 million, allez, vas-y, tout le monde a du pognon, tout le monde a le dernier iPhone 7, tout le monde a ceci, tout le monde a cela. Celui-là, il recherche, il voit que c'est la facilité qu'il prône, et il va pour la facilité. C'est triste à dire, mais c'est ça. Pourquoi? À force de lui montrer qu'il faut aussi qu'il ait. Tu vois, c'est-à-dire personne ne veut se forcer. Il y a aussi des jeunes qui n'ont pas envie, qui s'en battent les couilles, ils veulent de l'argent et ils veulent pas forcer. Il y a plein de choses. Donc au niveau de ça, on peut aller très loin. On va aller super loin, mais ça, c'est pas là qu'on peut parler de ça. Il faut vraiment. Il y a des choses à faire. Ouais, mais pour toi, ce serait quoi la solution d'Ali? Tout à l'heure, il y avait TikMJ qui disait il faut faire un travail sur le jeune. À vous. Pourquoi j'ai décidé de répondre à ton appel quand tu m'as demandé de le faire? C'est parce que vous jouez le jeu depuis le départ. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas. Normalement, le fait que Trace, même à la période où j'ai sorti ce titre, était censé mettre des sons chauds, des sons vacances, Trace m'a suivi dans ma démarche et dans ma vision, parce que vous avez été aussi conscient que moi de ça. Ouais. Donc, bah nous on le vit au quotidien, normal. Je veux dire, c'est malheureusement pas le premier exemple en fait de jeune qui est à terre qu'on relaie. C'est pas la première fois qu'on en discute et c'est vrai que chaque fois, malgré le fait de libérer la parole ou tout, on n'a pas forcément l'impression que les choses bougent. Hugo, tu voulais dire un truc à Dali? Ouais, tout à l'heure il y a TikMJ par exemple qui disait il faut faire un travail sur le jeune, etc. J'aimerais savoir toi Dali, quelle solution tu proposes? Le service militaire, faudrait le remettre, tu proposes quoi? Ah ouais, carrément, toi ça y est, tu es en mode de programme. Mais non, mais comme il y a les politiques, il y a les campagnes en ce moment. De quoi? J'ai pas compris ce qu'il m'a dit. Il te demande, Jean, est-ce qu'il y a une solution qui est évidente, qui aurait échappé à tous ceux qui devraient la mettre en œuvre, mais qui toi ne t'a pas échappé? Est-ce qu'il y a une suggestion, il y a un truc qui pourrait faire changer les choses, véritablement? Mais tu sais, sincèrement, ce serait trop, comment te dire, ce serait drôle que je te dise une solution et demain ça marche. Il faut aller en profondeur, et ça déjà, la première chose, c'est une occupation et donner un intérêt à des jeunes. Maintenant, si les jeunes n'ont plus envie de faire quoi que ce soit parce qu'ils ne sont plus intéressés, ne croient plus en rien, je vais t'expliquer, c'est tout simplement ça. Et le simple fait de ne pas croire en l'amour, tu t'en bats les couilles, c'est one life. Eh ben mon gars, ça donne ça. C'est un travail même qui est un travail de conscience, parce que crois-moi, tu vas parler avec n'importe quel G, n'importe quel délinquant, n'importe quel truc, chacun a de l'amour. Hein. Chacun, mais c'est qu'il est dans une situation, il faut représenter, il faut être présent, c'est là, c'est le bloc, c'est comme ça que c'est. Mais c'est pas parce qu'il a envie. Hein. Tu vois, je sais que c'est qu'il y a des fois, c'est comme ça que c'est, frère. C'est-à-dire que, frère, qu'on s'habitue, qu'on s'en rappelle. Maintenant, tu vois, il y a un travail. Mais il faut aussi intéresser, il faut donner aussi. Il y a un travail d'intérêt aussi qu'il faut mener. Le travail de faire en sorte que, voilà, que intégrer, impliquer. Pas juste dire, ouais, aïe, coupé zeb. Pas juste dire, ouais, bougamin, bon, mime. Aïe, fait ça, il faut intéresser, il faut trouver un intérêt. Que le, chacun, et c'est du cas par cas. Qu'on se le dise, c'est trop tard, c'est pas un regroupement. Tu sais quoi, je pense que c'est quand même personne et d'autres, peut-être pas la génération peut-être qui écoute ton émission, mais ma génération, à mon époque, quand les politiques et autres venaient chez dans mon quartier au Rézé, pour nous prôner et la bonne parole, en disant je vais faire si je vais faire ça, voter pour nous, ceci, cela, nous mettre des terrains de basket, terrains de foot. Mon gars, je pense que tout le monde a connu ça, mais on te donnait ça, mais tu faisais quoi avec ça, frère? C'est-à-dire que ça t'est là pas pourri. Ou quand font des tissus, ça cacrase. Au final, c'est ça, parce qu'en fait, ils voient, ils viennent chier. Tu penses si clairement ils avaient un programme, quelque chose de concret. Mon gars, ils mettraient des éducateurs. Mec, je te fais un terrain de foot, et ben je crée un club, je fais quelque chose. Je fais en sorte que voilà, que tous les autres, tous les soirs, les autres sortis d'école, boum, nous qu'on fait footing. Donc c'est la réponse à l'ennui en fait et au fait qu'on se sente pas. Mon gars, mais t'es là, intégré dans cette société, ouais. J'habite, je suis de base d'un quartier qui s'appelle Les Seuils, c'est un quartier que les vrais savent. D'où ça sort, mon gars, tu as assis en bas d'une cité, ouais là, quand on fait ses chimies, ouais là. Tu vois, moi je me rappelle de l'époque où le dimanche on était en train de se dire pour nous pas faire rien, on pas ni à rien. On habite sur une île, mon gars, nous t'es qu'à dire nous pas faire rien, nous emmerdez nous. Mais non, c'est parce que clairement, tu m'as jeté de quoi je parle. C'est-à-dire que il n'y a aucun engouement, donc en fait tu deviens paresseux, tu deviens là, quoi, tu te prélasses. Et c'est pour cela qu'il te faut un vrai travail psychologique, ou quelqu'un, c'est triste à dire, qu'on te prenne par la main. Maintenant, c'est pas tout le monde, hein, parce qu'il y a certains qui aiment être engrainés, c'est comme ça, tu vois, il y a chacun qui fait son choix. Tu vois, chacun fait son choix. Mais il y a un travail de fond. Là, à l'heure actuelle, en 2016, on crée des studios, on crée des bitins, mais c'est toujours la même chose, sans aucun fil conducteur. On a TikMJ qui nous rejoint et qui veut réagir également, Dali. Bon, rebonsoir Tikim qui arrive au standard Génération 97. Salut Tikim, re-salut. Tu voulais réagir à ce que disait Dali. Oui, donc voilà, donc moi, quand c'est Kadio Talé là, c'est tout ça que Dali Kadio là, là est bon, tu vois. Mais en vérité vraie, on a beau, parce que c'est pas le premier meurtre qu'il y a eu en Guadeloupe, on a beau débattre ou faire des actions ou faire des trucs associatifs pour contre la violence, ça ne servira à rien. Alors d'aujourd'hui, il y a un problème, et le problème il se pose parce que c'est les jeunes qui justement ont accès à tout, qui voient du n'importe quoi. Donc ça, c'est à l'aile à toute une gang, ça. Est-ce que ça commence pas déjà, finalement, vous, comme par exemple, vous êtes un bon exemple, hein, Dali, Tikam, mais aussi Warped qui va le rejoindre dans un petit instant. Est-ce que ça commence pas justement par le fait que quand vous vous retrouvez derrière un micro, vous avez une mission et vous essayez non seulement peut-être d'être un reflet sincère. Non, vous n'avez pas une mission parce que tout le monde a cherché ça, Yuvé. Et ouais. Pour moi, par exemple, à pour moi, tu vois. Ouais. Tu vois, pour moi, par exemple, à pour moi. Donc, j'ai envie de te dire que même si on va parler de la réalité de la Guadeloupe, ça va rien changer. Le jeune, il va écouter, ça va lui plaire, ok, d'accord, il n'y a pas de souci, le son il est beau. Mais demain, à faire suivante, parce que le jeune, il est replongé dans sa réalité à lui. Ouais. Tu vois? Ouais, c'est ce que je te dis. Le jeune, peut-être que bon, faut. Mais les gars, tant qu'à mettre un coup de pied dans la fourmilière, allons-y franchement, parce que honnêtement, j'ai l'impression que il y a aucune politique qui est adressée au développement de cette pépinière d'un pays, parce que la jeunesse d'un pays, c'est quand même une pépinière. J'ai l'impression presque de faire le constat terrible dans ce que vous dites, que genre, il y a des gens qui ont intérêt à ce que ça se passe comme ça, en fait. Non, c'est pas ça. Ben, écoute, tu sais, il y a toujours, c'est toujours positif pour récupérer des voix, hein, j'ai envie de te dire. Hein. Mais là, moi, c'est pas ce discours que l'on est en train de t'expliquer. C'est-à-dire que maintenant, autant qu'avant c'était lié à ça, le truc est devenu pourri dès la base. Tu vois, c'est la base. C'est-à-dire que là, tu vois, le côté où les gens viennent te dire, oh là, nous caille, mais là, nous gens font, nous ne pouvons pas bah, nous gens font. Tu vois, alors que tu te parles, c'est vite là, mais nous gens, elle est là, que là, j'en manies, nous gens, plein d'idées, quoi. C'est-à-dire que nous, plein d'idées. Et c'est une réaction, et c'est un travail personnel, c'est un travail individuel de chacun à prendre conscience. Voilà. Mais en fait, c'est se prendre la main clairement aussi, tu vois. C'est-à-dire que là, c'est même pas là. Parce qu'on est toujours dans un contexte, hein. Ouais, mais nous, pas attendre que tel monde. Mais quand est-ce qu'a fait? Quand est-ce qu'a fait? Ouais, c'est, mais c'est pas à faire rien. Mais c'est, Alors, si je conjugue la question à l'unité, à l'individu, par exemple, Dali. Je peux te couper. Oui, vas-y. En tant qu'artiste, jusqu'à l'ordre d'à présent, c'est pas quelque chose qui n'a jamais été fait. Les artistes se sont toujours tenus la main pour promotionner ou promouvoir quelque chose tel, quelle que soit la violence, que ce soit la sécurité routière, que ce soit, il y a des prises de conscience, c'est fait. Mais comme dit Tikam, ça rentre la façon là, parce que la réalité rattrape le jeune. Comme je te dis, le jeune, c'est pas Jean qui a envie de faire ça. Mais des fois, frère, c'est comme ça que la street elle est. Donc il y a un côté de représente où tu ne peux rien changer. Mais c'est parce que tout simplement, le problème vient plus loin que ça. Tu vois le truc, le problème vient plus loin que ça. Et c'est pas pour rendre victime le fait que c'est pas la faute du jeune, parce que chacun prend ses responsabilités. Tu vois, mais comme je te disais tout à l'heure, de base, si on arrivait, de base, on avait essayé, ou même véritablement, comme je disais, du cas par cas, intéresser le jeune, tu vois, prendre conscience de quelque chose et l'intéresser. Avoir à regarder autour de lui, l'intéresser à réfléchir, à développer sur quelque chose, l'intéresser, ben on ne serait pas là. Hein. C'est pas en faisant des trucs groupés que ça va réussir. Hein. Tu vois? On a Warped qui nous rejoint du côté du standard. Warped, bonsoir, bienvenue dans Génération 97. Bonsoir les gars, bonsoir. Salut. Salut. Bonsoir les auditeurs. Warped, t'es Johan? Est-ce que je suis Johan? Ouais, est-ce que tu es Johan? C'est pour reprendre un peu la phrase qui tourne un petit peu de depuis hier, en fait. C'est pas tout mon délire. J'ai pas été Charlie, j'ai pas été ce truc comme ça, toi. Parce que franchement, si c'est de parler, franchement, tous les jours dans le monde, il y a un endroit où il y a des gens qui meurent. Parce que je veux dire, bon, ça nous touche plus parce que voilà, ça parle de la Guadeloupe façon et que surtout, vu comment ça s'est passé, effectivement, c'était pas le bon. Bon, maintenant, moi, j'ai entendu d'Alizé tout à l'heure qu'il ne faut pas trop pointer le doigt sur l'éducation. Mais moi, je suis complètement... En fait, je ne suis pas de son avis, quoi. Voilà, je suis contre ça. Alors, je pense que l'éducation, c'est la base. Ouais, tu penses que c'est vraiment uniquement la responsabilité des parents. Mais quelque part, à un moment ou à un autre, Dali disait... Non, je n'ai pas dit ça. Alors, c'est l'éducation. Au moins 70%. Parce qu'un enfant sera toujours déconnu. On a été enfant, on en a fait. On n'a pas fini d'en faire pour la plupart. Tu vois ce que je veux te dire? Tout le monde a fait connu, mon frère. On tient une sonde d'internet. Je ne pas bailler les bases, je ne pas bailler les directives. Qui fait sa vie, qui fait sa zone, il fait pour impressionner le monde. Parce que ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Le montrer tel que je suis, le montrer tel que je fais, ça a toujours existé et ça existera toujours. Alors, j'ai pas compris exactement sur quoi tu es pas d'accord, en fait. Parce que c'est un peu ce que Dali disait. Hein. Pour moi, pour cette histoire de l'éducation, au contraire, il faut pointer les parents. Quand on tient, il était dans cet établissement, cet enfant-là, il faisait quoi, là? Ouais, il était... C'est mon gars qui fait ça? Celui qui a tué. Il n'était pas dans cet établissement. Non, même pas. Donc il faisait quoi là? Ah bah on va. On l'aide de sortir d'école, qu'a été café là? Mais tout ça, ça on va dire, c'est sans radio. Ça on va dire, on va dire de son sang, mais c'est sans radio. Mais c'est là où on va dire qu'il ne faut pas pointer l'éducation. Mais c'est là qu'on va reprendre. Si t'es une famille déjà, si t'es responsable d'être mon aïe, à pas la payer. Ah ouais, bah ça. Qui me disait ça? Non, il disait qu'on ne peut pas faire porter la responsabilité qu'à l'éducation. Parce que effectivement, mais peut-être que les parents peuvent se sentir débordés à un moment ou à un autre. Tu sais, ça peut arriver, tout le monde est faillible, tu disais tout le monde qui a fait enlérer. Ils sont débordés parce qu'ils ne prennent pas les jeunes et les jeunes. Certains qu'elle aime des petits bouts de café connu, c'est pas bon au coup. Ouais. D'accord. Mais pas ça, c'est-à-dire que ça ne parle pas parler des petits bouts de café, là je m'en fais à yo. Non, un projet dit que c'est sorti d'aller. Ah ok, alors ça va y agir à moi là, aller là, il doit. Ouais. En tout cas, dit que l'éducation là que nous tenons là, nous faisons ça. C'est-à-dire que même, comme Dali a dit tout à l'heure, les professeurs avaient le droit de corriger leurs élèves quand ils faisaient du n'importe quoi. Alors, moi, j'entends un constat, j'entends un bilan, hein, que ce soit Warped, Tikimp ou Dali, j'entends un bilan. Est-ce qu'il est trop tard pour réagir? Est-ce qu'il est trop tard pour inverser, influer sur les choses de manière différente, pour réintégrer un certain nombre de choses? Parce que on n'est que dans le constat, là, en fait. Mais je sais même pas, les gars, parce que l'époque dont vous parlez, où les professeurs corrigeaient les élèves, où le voisin se permettait de foutre une volée au gamin parce qu'il n'a pas dit bonjour, on l'a pas connu cette époque-là. Vous n'avez pas vécu ça, les gars, j'ai pas vécu ça à l'école. Donc, et pourtant, on n'est pas tous des vagabonds. Donc le problème, il est ailleurs. C'est pas forcément dans les mœurs, dans les trucs qu'on a commencé à interdire de l'éducation nationale. Tikimp, est-ce que tu as une autre piste éventuellement? J'ai pas compris. Est-ce que tu as une autre piste éventuellement? Parce que si c'est pas... toi aussi, elle te manque cette époque où on cadrait les choses, où tout le monde participait à l'éducation. Oui. Mais comme je te le répète, c'est un travail sur les parents, c'est un travail sur l'éducation. Ouais. Tu vois? Ouais. Parce que maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, le jeune qui a été mal encadré, on va prendre l'exemple, il va travailler, on va lui donner un travail de 3 mois, il va prendre le goût de l'argent, après c'est terminé. Donc lui, il replonge dans la réalité, tu vois. Ouais. Il replonge dans la réalité et la plupart des jeunes, c'est des jeunes qui ont grandi dans la pauvreté, tu vois. Ouais. Donc ce jeune-là, tu lui donnes un travail. Demain, après 3 mois, tu lui retires ce travail-là. Qu'est-ce qu'il peut faire? Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui s'est fait à l'école. Hein. Il n'y a pas tout le monde, ni des petits monde qui n'a pas ni possibilité à ça. Tu vois? Donc à un moment-là, ça c'est à eux de mettre des bits en place. J'ai envie de te dire, parce que tout le monde a jeté la faute, c'est un tel, mais ni vraiment travailler à faire si l'éducation, si. Okay. Ni vraiment débiter à mettre en place, tu vois. Donc voilà. Hashtag G97, hashtag Trace FM. Dali, tu veux rajouter quelque chose peut-être, Frangin? Allô. Ouais. Tu voulais rajouter quelque chose, Dali? Ah, les gars, dis, mais non, mais en fait, nous, quasi même bite, elle a dit ça. L'éducation, effectivement familiale, mais l'éducation scolaire aussi. Et c'est pour ça, parce que petit bouga qui fait ça, malheureusement, d'après ça, on comprend, il était lycée la matin. Comment ça veut dire? Mais c'était l'école. Alors, il faut comprendre que si aussi un lycée là-bas, il y a un 4e qui est intéressé, moi-même, si c'est la relais qui est toi. Ça veut dire que tout le temps dit que c'est pas, je ne peux pas forcément te dire, parce que sachant que les parents ont une responsabilité, on dira à 80. Regarde, quand tu réfléchis bien, ton enfant, tu laves au cours de la journée 30% de ta journée. À 70% de la journée, il est à l'école, normalement. Il y a l'autre qui t'a fait. Le lobby était pas fait. Donc à partir de la défaillance qu'a fait, à partir de là aussi, des fréquentations, des seigneurs à l'école, là, des quiches, des débités. Et si que pour mon papa va nous côté, même au niveau de l'école même, il n'y a pas foutu de son nom, il n'y a pas même savoir là tout le monde, il n'y a pas même chercher à ça. Pour même arriver là aussi, pour mon papa, c'est pour intérêt. Quand tu as fait des wars, on met qu'à l'école aussi. Je veux dire, donc il y a un lobby test, c'est ça qu'on dit que l'éducation des parents, à quoi on peut savoir en fait, dit par rapport au fait qu'il a dit que ouais, que qui j'en ai pas parce que l'éducation là, mais malheureusement, ni ça aussi, il faut nous dire ça, que ni des parents qui ont beau essayer de dire que l'éducation là, il n'y a pas arrivé. Comme ça veut dire, et à partir de là, c'est le fait que les mondes d'autres mondes qui l'a qu'à voir ça, il n'y a qu'à garder ça, il n'y a qu'à d'accord que moi-même pas mélanger moi avec ça. Est-ce qu'il n'y a pas une autre responsabilité aussi qu'on oublie un peu tous, mais au-delà de ça, la responsabilité de l'exemple, on parle de politique, mais on parle aussi, par exemple, des exemples plus anciens, de personnes donc plus âgées. Mais regarde, ce que je viens de te dire, je t'ai dit tout à l'heure, il y a déjà de base, qu'on se le dise, il y a beaucoup d'enfants qui naissent, mais qui sont nés de parents-enfants. Donc de base même, il y a un problème. Tu comprends? C'est-à-dire qu'il n'y a même pas qu'à occuper des timonales, parce qu'il faut même occuper des yeux. Tu comprends? Ouais. Pas même, il y a un problème. Mais ça a toujours existé. Non, pas autant. Si, non, pas autant. Il y a toujours eu ça. Ouais, donc là, il y a une recrudescence. En fait, moi, ce qui me fait. Qui me travaille. On peut pas généraliser. Mais par exemple, une fille, comme toi, tu me dis, ça peut-être qu'elle a eu un enfant à 16 ans, mais elle a été sécurisée peut-être par ses grands-parents, son enfant. Tu vois? Tu vois, j'explique, c'est-à-dire que maintenant, il y a le côté où que ça, tout le monde veut pouvoir être grand-madame, tout le monde veut éviter, mais en même temps, tout le monde dans la rue, il a vu champagne. On va savoir dire, on y a un choix à faire dans la vie aussi. Jusqu'à présent, et Warped même, il est bien placé pour faire ça, parce que combien de fois Warped déjà, il est par rapport à ça, que qui j'ai, que maman, t'as cautionné Timouna et Okari, mais fais ça aussi pour Dieu, mais il n'y a pas même ni 12 ans. Warped, on t'interpelle, je crois que t'as des choses à dire en plus. Non, mais c'est toujours pour en revenir sur le sujet-là de l'éducation et de la famille. Mais là, franchement, on ne va pas se voiler la face. C'est clair qu'un enfant, il connaît pas la vie. D'accord, le gars, il a fait ça. Là. Il est même pas conscient de ce qu'il a fait. D'accord, il ne sait même pas ce que c'est côté la vie à quelqu'un. Est-ce que sa famille lui a déjà expliqué ça, qu'il y a le bien et il y a le mal dans la vie? Qu'il y a des choses à faire, qu'il y a des choses à ne pas faire. En même temps, l'exemple qu'il a à longueur de temps aussi, Warped, c'est que ni en l'eau qu'a fait des mauvais bitains, mais il est toujours là. Je te parle même pas du voyou, du gangster, je te parle parfois même dans la classe politique, ni des moon, il y aurait un qui était pour différents bagages. On le sait tous que les plus grands brigands sont toujours ceux qui sont au-delà. Après, vous avez choisi d'être un exemple peut-être un petit peu différent. C'est vrai que l'être humain, de toute façon, par naissance, par nature, en fait, il n'est jamais tout blanc, il n'est jamais tout gris, en fait, enfin, il n'est jamais tout noir, en fait, en gros, il est gris, quoi. Et c'est vrai que quelque part, on oscille entre ces choix, ces décisions, qui font de nous une mauvaise personne, par certains aspects, et une bonne personne par d'autres. Et cet équilibre-là, il est compliqué. Et c'est vrai que l'exemple est super important. L'exemple est super important, l'éducation est super importante. Après, j'ai l'impression que c'est plus la société qui vole en éclats. Parce qu'aujourd'hui, pour aller un peu plus loin, même si on n'est pas forcément dans les thèses conspirationnistes, machin, etc., ça profite forcément à quelqu'un que les gens s'entretuent. Ça profite à quelqu'un qui, lui, est très très loin de ce problème, par exemple. C'est un problème qu'il n'a pas à gérer. Il y a un autre aspect aussi qui est super important. Moi, je crois qu'il y a une grande déception. Tu sais, tu parlais tout à l'heure, Dali, des politiques qui savent récupérer en fait l'actualité pour pouvoir monter dans les sondages, pour pouvoir récupérer des suffrages, etc. Les jeunes ne votent plus. Et déjà, les jeunes d'une autre époque votaient déjà beaucoup moins. On vote de moins en moins, donc du coup. Pour une classe politique, en fait, qui nous correspond plus, un système, peut-être, probablement, qui nous correspond plus, c'est peut-être là qu'est le fond du problème, en fait. En fait, si tu veux, à ce niveau, là, quand on est rattrapé par les politiciens, j'ai envie de te dire que là, on n'est même plus sur ça, quoi. Tu vois, c'est-à-dire, franchement, tout le monde peut faire ça, au vu, non, c'est la population, elle est fatiguée. Tu vois, parce que, voilà, elle a attendu la population, que ce soit nos aînés, comme disait, de 7 à 77 ans, j'en sais rien, mais en fait, tout le monde, bon. Donc, en fait, à niveau-là, ça, en fait, j'ai même pas envie d'évoquer ce sujet, parce que, comme on dit, c'est pas le politique et XY qui va sauver l'éducation de quoi que ce soit. C'est pas en faisant venir n'importe qui tu veux, le président de la République, elle va changer. On n'a pas besoin de Superman, là. Tu vas voir, c'est chacun qui doit prendre ça, ses choses en main. Et clairement, c'est triste à dire. Et c'est une vérité. Beaucoup de personnes tapent sur la police en disant « Ouais, mais la police n'a pas rien là. » Mais la police, ça fait longtemps qu'elle demande de l'aide par rapport à avoir plus de personnes par rapport à ce qui est en train d'arriver pour pouvoir justement sécuriser le peuple. Tu vois, j'explique. Donc, au final du compte, quand on veut faire, à part être aux armes citoyens, quand on veut faire... Alors, c'est terrible ce que tu dis. C'est vraiment la révolution qui se prépare, en fait. C'est ce que tu dis. On reçoit des notes vocales disant, ouais, ni tel, combien de tibougs là, qu'a braqué, monde, qu'a bitin. Tu vois, le truc est arrivé à un stade où maintenant, là, mon gars, tu es obligé de penser à toi et ta gueule. Parce que si on vient chez toi et on vient te cambrioler chez toi, toi, on attache ta femme, on t'attache, je pense pas que tu vas dire, tu sais, pas un appel sur WhatsApp que tu feras à faire, tu vas essayer de te défendre. Parce que maintenant qu'on se le dise, c'est que le truc est devenu d'une certaine façon où t'as pas le choix. Ouais. Enfin, hey, mon gars, on a, ça déjà le Texas. Et qu'on se le dise ou non, c'est une constatation. Maintenant, il faut que le peuple a une milice de défense, le peuple même gère ça. Là, je pense qu'au final du compte, t'as ni le choix. Il n'y a pas d'autre issue selon toi qu'on aille vers... C'est la vérité, pas ni le choix. Maintenant, le problème avec la loi française qui voit ça de loin, c'est qu'elle est vous-même raison quand elle est passée tout le temps, parce que vous, quand elle descend en timidité, quand elle défend vous, et quand elle dit, ouais, mon patiné a tué, mais pour moi, pas là. Et en fait, quelle est la loi là même, qui l'a même visé, mais pas MP. Donc il n'y a pas visiblement d'autre solution qu'on se dirige vers une espèce de prise de pouvoir du peuple ou alors une révolution de la population, quoi. Le peuple est obligé de se poser. Oui, mais le peuple le fait. Chaque individu, chacun de son côté, mais à un moment ou à un autre. On a entendu parler de ça, hein. On a entendu parler de printemps arabe, on a entendu parler de peuples qui se soulevaient contre à un moment ou à un autre une organisation qui leur convenait pas. Loin de moi l'idée de mettre ça à une dimension politique, mais à un moment ou à un autre, c'est juste le peuple. T'as envie que ça change. Le problème, c'est que j'ai l'impression que c'est un peu le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que on est devenu de plus en plus individualiste parce que certains d'entre nous l'étaient déjà au départ. Donc au final, c'est peut-être l'individualisme qu'il faut essayer de casser et essayer de faire un truc ensemble pour essayer de renverser les choses, en fait. Oui, mais à l'heure actuelle où je te parle, comment tu peux gérer ça? Que quand tu rentres chez toi, tu dois regarder très vite à gauche ou à droite de peur de te faire braquer. Comment tu gères ça? À l'heure actuelle, là, comment tu vas gérer ça? Ouais, tu le gères par rapport à toi et dans l'urgence, c'est... On s'entend de traces là, les mecs ont décidé de te suivre pour entrer chez toi. Comment tu vas gérer ça? Non, c'est pendant qu'il y a traces, généralement, que les mecs rentrent chez lui. C'est vrai que moi, je suis sujet au cambriole. Comment tu vas gérer ça, frère? Dis-moi comment tu vas gérer ça. Non, mais tu le gères, toi. C'est vrai qu'effectivement, tu réagis par rapport à la situation. Tu n'es plus en train de calculer. Tu ne peux que survivre, quelque part. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, Dali. C'est-à-dire que tu... Et pour être tout à fait honnête avec toi, là, d'en parler, c'est presque essayer d'imaginer comment ça pourrait se passer. Mais même de ce que je vais te raconter, il y a une bonne part de fantasme qui va prendre le dessus. Moi, je vais te dire qu'effectivement, bon, bah, ils sont trois, je vais peut-être en zigouiller un. Peut-être après que je vais finir à terre. Tu vois, je vais me défendre, c'est ça. Oui. Et chacun de nous fait exactement la même chose. Mais je parle pas de se défendre chacun de notre côté. Je parle juste simplement d'organiser. Parce que peut-être que finalement, les gens qui s'affrontent les uns entre les autres ne sont pas forcément... Tu sais, j'appelle ça le transfert de charge. Quand tu en veux à quelqu'un, parfois, tu pètes un cancan sur quelqu'un d'autre. Tu vois ce que je veux te dire? J'ai parfois l'impression que quand on part de ces faits divers, ça ne s'attaque pas à la personne qui mérite d'hériter de toute la pression qu'un comble. Alors pour quand même peut-être t'alléger, conclure, on en revient tout simplement à l'éducation. Ouais. On en revient tout simplement à ça. Ouais, tu comprends? Ça revient à un problème de prendre à la base. On en revient à ce qu'on est en train, tous les trois on est en train de te dire, on en revient à l'éducation et la prise de conscience. Et c'est bête à dire, c'est le mot justement qu'on n'a pas envie d'évoquer, mais c'est l'amour de soi-même. Mm-hmm. Quand tu t'aimes toi et que tu prends les choses comme elles doivent être, et tu es entouré, tu as des personnes qui te tiennent par la main, te disant t'inquiète, ça va aller, on est là avec toi. Pourquoi tu veux aller engrainer ta vie? Mais si tu es avec que des espèces de mécréants qui sont de représentants parce qu'il faut être G, il faut être ceci, voilà, il faut casser le truc. Et pour ceux qui ont vraiment envie d'être G, menez-y au Gabon. Pourquoi ils n'ont pas qu'à faire un stage? C'est ça pour faire. Comme ils ont envie de faire la guerre, ben ou quoi pour eux toutes, ou quoi fouler au Gabon? Et comment? Il y en a plein entre ceux qui vont flipper leur race et qui, soit ils vont entrer en religion, ou soit qui vont dire aux pauvres, trouvez-vous un qui va entrer l'armée pour protéger le monde. Merci Dali en tout cas. Merci. On a Warped également, un petit mot Warped. Un petit mot de la fin, peut-être du début. Parce que visiblement, ça n'a pas près de fin, donc On a de cesse de le dire, il n'y a plus d'amour. Le choc d'Ali Zila, c'est carrément vrai. Ça n'existe plus. D'accord, là, tout le monde. La plupart des gens véhiculent les messages de haine, de méchanceté, de. Sauf quand ça arrive à leur proche, tu vois. Mais en général, il y aura donc vite, hein, c'est le mal, c'est vite qu'on a. On a nous croyons qu'on a, mon frère. Ouais, ça résonne comme un écho, en tout cas, à toutes ces questions. Toutes ces questions, je vais y arriver. Le débat reste ouvert, Warped. Merci beaucoup d'avoir réagi. Hein. Je crois qu'effectivement, on l'a bien compris, hein, au cœur, l'éducation, il y a plein de choses encore à faire, mais c'est vrai que c'est pas assez organisé. Arrêter, par contre, abandonner, ça serait la dernière et la pire, en fait, finalement, des erreurs, parce que certains l'ont déjà fait. Tikamj, avec nous. Il y a un écho, il faut que tu coupes ta radio, Tikam. Coupe-la. Baisse le son, frangin. Tikamj, avec nous, un petit mot. Pas de la fin, comme je dis à Warped, un petit mot du début parce que c'est pas fini. Donc ouais, mais bon, si on a une conclusion à faire, donc ça, c'est à pas tout dire moins de violence, parce que bon, ça qui fait là, dans 3 jours, 4-5 jours, ça a déjà oublié. Tout le monde a passé ça, on doit deux suivants aussi. Donc c'est, voilà. Et voilà, à un moment-là, ça s'est fait en de façon à ce que ces jeunes n'ont pas pu encadrer et supporter ma neige. On va écouter un single que visiblement la situation peut refléter, mais en même temps qui est c'est un petit peu ça, hein, aussi votre inspiration. Vous avez d'ailleurs ce point commun, hein, Warped, Dali et Tikam, d'écrire particulièrement votre quotidien, d'être authentique, et puis en plus de considérer que quand vous êtes derrière votre micro, vous avez une mission. Comment il s'appelle ce titre? Daniel s'appelle Israël. On écoute ça, hashtag G97, hashtag TraceFM. Merci d'avoir été avec nous, Tikam. Merci Dali. Merci Warped aussi, hashtag G97, hashtag TraceFM. On va se détendre dans un petit instant avec du Hey Baby. Allo, on revient avec vos propositions pour le Seki. Mais d'ici là, on écoute ce que ça a inspiré en fait à Tikamj en musique. Kampe malhonnête, on loue qu'on moins qu'à manger en famille et qu'à chasser tout seul. Priez bon Dieu, prends pas comme intérêt. L'argent facile, c'est vie, ça diabète, diapsité. Et moi, y'en pas pour faire. Songez ennemi là avant pour un sommeil. Manquez dormi, éveil, on s'est ouvert. Manquez petite là en bas, qu'à bon en main. Passe trop, nec, jaloux, nec. Lève tout petit jeune la rue soudée en jour. En vérité, pépare tout réel. Ça rit réel. Jeunesse en moi en lambeau. Oublie miel, l'amour l'a transformé en ego. C'est au plus criminel. Bon, c'est pardon. Tout petit frère en moi. Cap en gaz, misère, café, yo frère rouge. Ça rit réel. Jeunesse en moi en lambeau. Oublie miel, l'amour l'a transformé en ego. C'est au plus criminel. Bon, c'est pas l'eau. Tout si frais en main. Cap en gaz, misère, café, yo frais rouge. Et yo, pourquoi prend valet à la vie? Kachou et moun en paranoïa yo. Tabla de yo et cap en ramal et pis incompris. Ou tchou et ou fait comme et ou passe au nom. Yo pourquoi prend conscience à la vie. Yo dit les ouais tu mènes même moi en sa pri Adam. Souffrance en maman, souffrance à la vie. Des cabres moun en ghetto mon pépare tiré. Ça rire yeah. Jeunesse en moi en lambeau. Oublie miel, l'amour l'a transformé en ego. C'est au plus criminel. Bon c'est pas l'eau. Si frère en main, cap en gaz, misère, café, yo frère rouge. Ça rire yeah. Jeunesse en main, en lambeau. Oublie miel, l'amour l'a transformé en lingot. que la situation a inspiré à TikMJ. Hashtag G97, hashtag Trace FM. Et toi, tu te positionnes comment? Je suis Johan, ça suffit pour, selon toi, changer les choses. 0820 203 200, pour nous rejoindre dans la Trace Radio. On va se détendre dans un petit instant. Il y a du Hey Baby Allo et du C'est qui. Le soir, ta radio se lâche. Tu peux tout nous dire. Trace FM, Génération 97. Ta liberté d'expression au 0820 203 200. Et sur Trace FM, il y a des cadeaux à gagner. On cherche une célébrité d'ici, de chez nous, ou peut-être du monde à travers ces indices. Je parle anglais, français et arabe. J'ai déjà reçu une balle dans la tête. Ma famille a immigré aux États-Unis lorsque j'avais 13 ans. Vous appelez au 0820 203 200. Qu'est-ce qu'on a à leur offrir? On a des places de cinéma pour le film de leur choix, que ce soit Martinique, Guadeloupe ou Guyane. On a aussi des places pour Terus Riley, ça c'est du côté de la Martinique, ce sera le 30 septembre au domaine de l'Oasis. Hashtag G97, hashtag Trace FM, vous débarquez. Il y a des gens qui semblent avoir trouvé sur le web, mais est-ce que c'est le cas du côté du standard? Oui, la particularité de ce jeu, c'est que vous êtes obligé de débarquer au standard pour pouvoir repartir avec les cadeaux, sinon on les garde. Ça nous arrange. Ça nous arrange. Tu es en train de faire de programmer ton c'est la crise pour tout le monde. On a Tijo qui nous rejoint également dans le studio. Dans un petit instant, on va partir en musique. Il y a du Hey Baby Allo aussi qui arrive. C'est quoi le Hey Baby Allo? C'est Kalash qui est dans la génération 97 cette saison et vous appelle. Et parfois, vous reconnaissez même pas ses chansons. Ouais, alors que c'est la chanson que tout le monde avait sur le bout des lèvres pendant les grandes vacances. Bref, Kalash te fait son Hey Baby Allo. Si vous connaissez des fans ou des détracteurs de Kalash, tout ce qui nous intéresse, c'est de récupérer les numéros de téléphone, vous les envoyez en PV ou alors par mail. Yannick yk2aniseka@trace.fm. Qui nous rejoint du côté du standard? On a deux réponses qui sont identiques. Deux réponses qui sont identiques. Ouais. Mais qui a appelé le premier? Alpha. Ou la première? Alpha a appelé le premier. Salut Alpha. C'est toujours Alpha qui commence, c'est sûr. Ouais, le mal Alpha. Bonsoir Alpha. Allô. Ouais. En même temps, ça dépend. Si ton téléphone passe pas, moi je vais prendre Cynthia parce qu'elle m'a l'air plus agréable. Je sais pas pourquoi. Alpha, tu m'entends? Ouais, oh ouais, mais pas moi. Tu nous appelles d'où, Alpha? Allô. Allô. Tu nous appelles d'où, Alpha? De Cayenne. Ok. Attends, je vais voir, je vais tester Cynthia. Moi, tu sais, c'est parfois un peu au feeling. Je suis totalement vendu, un pourri. Salut, Cynthia. Salut. Ah ouais, je l'entends bien. Ah, c'est mort pour toi, Alpha. Même si t'as la bonne réponse, c'est chaud. Bon, allez, à trois, l'unisson. À trois, si ça se trouve, on va vous filer des places pour que vous alliez au cinéma ensemble. Le mec, tu sais, un peu malin. La meuf elle est en Martinique, le mec il est en Guyane. Bonne chance, vous vous démerdez pour le billet d'avion par contre. Alpha, Cynthia à l'unisson, avec ces indices, vous pensez à qui? 1, 2, 3. French Montana. Alors il y en a une qui pense à French Montana. Montana. Donc les deux pensent à French Montana. Alpha, Cynthia, est-ce que c'est la bonne réponse? C'est bien le Marocain French Montana. Yes. Il est Marocain? Il est né au Maroc. Eh ben écoute, voilà. Ça, pourquoi il s'appelle Marocan Montana? Il s'appelle... Non, mais je sais pas. Il s'appelle French Montana. Parce qu'il parle français, parce qu'il aime la langue française. Mais tu sais, sinon, sa biographie est disponible sur Wikipédia. Je comprends pas le blase. Il appelle toi Marocan Montana. C'est plus logique. Ouais. C'était trop long. Ouais. Ouais, non, mais c'était tellement facile pour lui de quitter le Maroc et de devenir un American. Comme dirait Gad Elmaleh. Alpha, Cynthia, bonne réponse. Vous repartez avec les cadeaux, vous bougez pas, vous raccrochez pas. Les amis, bonne nuit, ciao. Habita. Hashtag G97, hashtag Trace FM, 0820 203 200. Également sur le net www.trace.fm. On va brancher les platines, on va partir sur du Justin Timberlake. On a Tijo qui nous rejoint évidemment tous les soirs à Trace Radio. Vous réclamez vos titres si vous avez envie de mixer quelque chose de particulier. On m'a demandé là dans ta sélection, faut que tu places du Taiga, du Tory Lanez et du Yugi. Et après bah le reste, lâche-toi mon ami, surprends-nous. On revient avec du Hey Baby Allo juste derrière. À tout de suite dans la génération 97 dans la Trace Radio. Quand tu veux Bah c'est là. Maman Wabo. Il arrive avec son klaxon. Comment ça sent le bonheur cette chanson? J'ai l'impression d'être dans une église, tu sais. Ah non, un peu moins maintenant. On revient dans Génération 97, hashtag G97, hashtag Trace FM. Si vous voulez faire du canular aussi, on est disponible. On fait le scénario sur mesure, à tout de suite. Move. Bientôt ne collège. What else? Cordé. Hein? Au bientôt ne collège. Oui. Bientôt ne collège. Ah bah. Au bientôt ne collège. Cordé. Yeah. Même ma wone pe bien bua bon fia. A hope pro mo yen yina bu huntia. Oye wo town for ja no man india. Yam bua mu a mun sina bu mpia. Se bu pe mo an yo men yina edi. Na na nya me ni a wakano ne bebe mo. So my body don't lose God. Can't walk for my joy. Everybody sing it, hallelujah. Hallelujah. Everybody sing it, hallelujah. Hallelujah. Music so sexual. Big bad DJ. Shocky, shocky, me say Al Qaeda, baby dancing for me. And it's your boy Easy, UG official. Music so sensual. I'm a dancer, I'm a kind of body. Shocky, shocky, me say Al Qaeda, baby dancing for me. And me say Al Qaeda, baby dancing for me. End up, end up. Shocky, shocky, me say Al Qaeda, baby dancing for me. End up, end up. Shocky, shocky, me say Al Qaeda, baby dancing for me. One in a million, nobody give me wine like this. And me I be one in a billion. Where everybody done they call me cheap. I know they carry pulse like a bullion. Where if you give me dance, you go chop deep, deep. Baby girl like a billions. Where you give me chance, make you chop deep. I should do the Al Qaeda. She said the old club on fire. We a body big like Bombara. A body big like Bombara. She said she no want no wahala. She no want no wahala. That she need a real man like Montana. Oh yeah, shut up, she gon' give me kind of dance with me. I never see you. My number one, you're one on one. I wanna go one on one with you, one on one. And I want you to want me too. You're one on one. I wanna go one on one with you. Back to the front with you. Don't let them make you regret it. They'll be fake if you let them. Don't let them make less out of something that means so much to you. I wanna make you feel comfortable. You know I fuck with you like summer school and Lunchables. We the untouchable, yeah. You don't have to suffer, no, yeah. I was made custom for you. Only give my love into you. You my only one. You my number one. You're one of one. I wanna go. We are sip the Henny for the day. Big up to yourself, for you with me. I know, girl, but and I know for the first time I seen your love, you got me, baby. Even though, girl, I know that I would fall for you, you got to know that everyone falls. Oops, I done fell so deep, baby. Oops, I want you for me. soir et tous les soirs, du lundi au vendredi, c'est Real Talk, Real Mix. C'est aussi du délire, c'est aussi des canulars, 0820-203-200, pour nous proposer quelqu'un au hasard, quelqu'un de ton entourage. Un petit coucou à Gizon, à Jeune Chabin, également avec nous, à Hlikey, hashtag G97, hashtag TraceFM, pour débarquer sur les réseaux sociaux avec nous. J'ai attendu ce moment-là. J'ai attendu que tu chantes en fait. J'ai attendu pour que t'as... Ouais, ouais, juste gentil. Pour enlever la chanson. C'est un peu la frustration quoi. 0820-203-200. On a du Hey Baby Allo qui arrive. C'est on quoi a le principe Kalash, ouais. Qui est dans la génération 97. On vous appelle tous les soirs et on regarde comment vous réagissez. Yes, tout ça part d'une chanson que tout le monde devrait connaître sur le bout des doigts, mais c'est pas toujours le cas. Bon, hey, t'as un premier numéro de téléphone à tester, mec. On y va. Allô. Hey baby, allô. Oui, mon client bouquet, j'ai bien celui-là. Allô. C'est toujours ton numéro. Bon. Bon, celui-là, il va super vite. Ok, celui-là, ah ouais. Je sais pas si on va la rappeler, on a déjà eu le juron, on va appeler quelqu'un d'autre. On va appeler quelqu'un d'autre. Mais je trouve qu'il décroche super vite, hein. Putain, les gens, ils ont leur téléphone en permanence dans la main maintenant. Un autre numéro de téléphone. Allô? Hey baby, allô? Allô? C'est qui? C'est pas moi! Arrête, Cédric, je sais que c'est toi. C'est pas moi! Tu es con! Arrête, arrête! Baby, je suis tellement désolé! Ah oui, baby, c'est ça même! Allez, viens que je t'insulte! Eh ben viens te faire pardonner, tu es tellement désolé. Allez viens, je vais te faire crier. Tu es con, tu es trop con. Des mecs comme toi, j'avoue tout l'été. Eh ben viens me... Arrête, c'est Brick, c'est toi. Hein. C'est pas moi. Tu es imbécile. Bon, alors, arrête de faire ton petit jeu, là. Tu viens quand? J'ai pas fini petit PD. Non, et ça va, là, ça va. C'est pas moi le plus PD des deux, je te signale. Bon, alors, tu viens quand? Mets-toi à l'aise, vas-y. Je suis déjà à l'aise, on ne peut pas être plus à l'aise que la position dans laquelle je suis, là. On m'a dit que t'as un enfant. T'es imbécile. Alors tu viens, tu passes à la maison, je te défends, je te fais ce que tu veux, mais tu viens, là. Tu sais très bien que le sommet est dans tous mes états, tu me passes du calache. Exactement, mon Dieu, si j'avais la possibilité de tomber sur quelqu'un, lâche. Je lui aurais fait tellement de trucs avec sa petite bouche-là, j'aurais tiré ses locks tellement, tellement fort. C'est son noir, donc la vie te bouffle. C'est ça, même, non, si j'avais attrapé ça, là, jamais j'aurais desserré les dents dessus. Arrête de faire des promesses et ramène-toi tout de suite. Eh ben viens qu'on le fasse. N'ai pas pu me retenir, je sais. Non mais ça c'est clair, de toute façon tu ne peux jamais te retenir, tu es toujours en train de lâcher, voilà. Bon, et c'est bon là les jeux, c'est bon. Ramène ton cul par ici. Trois heures de libre expression. Génération 97, la plus grosse libre antenne des Antilles Guyane sur Trace FM. T'attends quoi? Débarque au 0820-203-200. My love is very special. If you want it, you can have it. But don't take me for granted. So much things I did not say. I'm from Portmore, that's in J.A. We can do it on that beach there. Tick tock, tick tock, tick tock, tick tock. Broke it, set it, broke it, set it, broke, set it, broke it, set it. Bomb shot, somehow you got extra. Forget me not when it's sweet. Yo, what you say? Fever, buy your punani. Wine for me, baby, everything crisp. My good love make your turn all crisp. Fever, buy your punani. Wine for me, baby, everything crisp. My good love make your turn all crisp. When you look back at you, I mean that. Barbie style. Puppy whisper, my cocky so hot, it give the fire fever. And so can't broke it off as well. Girl, why people have to fight over man? Bon paquet goût maqueto, juste pour nom. Tu peux faire tout aussi magri, voyez tout commenter, mais des pito patates de bagouan. Real wife, people have to fight over man. Bon paquet goût maqueto, juste pour nom. Tu peux faire tout aussi magri, voyez tout commenter, mais des pito patates, mobile game. Monzel, son, you are the official wifey. Pas speed, moi ça veut pas cheer, don't like me. T'es qu'à parler, parler, à yang, ça yo propre. Mais si yo vin trop proche, moi même pas qu'est pas des trop. Yo pape itch, you are the official wifey. You can snitch, l'homme au cas des sons, qu'on like. Tu peux venir réler, réler, devant moi la pote. Mais moi j'adis dans vos pièces, non, moi pas qu'à faire. Girl wifey, pas qu'à fight over man. Moi pas qu'est goût maqueto, juste pour nom. Tu peux faire tout aussi magri, voyez tout commenter. Et toujours si quand moi pas qu'à bon conscience. A commander moi pour qu'un cabaye importance. Des fois commander moi si n'y en conscience. Personnellement, je pas faire confiance. T'en as qu'à passer vite et nous pas des limites. Yeah. Boom bam bye, mama cita señorita, baby boom bam bye, mama cita señorita, baby boom bam bye. Baby boom bam bye. Yeah. One by one. Ika pull it to me yo. One by one. Ika pull it to me yo. Yon by yon. Yon by yon. Si on voyait faire yon bouc, c'est que c'est forcément pigeon. Conte avec a explosé de Paris à Dijon. Il est tellement sexy, flexible, intelligent. Tellement indécis, décis, décis. I just the body with me, you wanna die, wanna cry for. Just the body that I wanna cry for. Just the body with me, you wanna die, wanna cry for. With me, ever just the body with me, Chris. Hey, baby, loving when you whine for me. Tell me what you want, baby. I'm a loving when you have, baby. Oh, love. Chris, bust a whine for me, dilly like a background, the corner. Boom, pack a cup, yeah, the right sweet, yeah, maha. If you love the right, me turn it up like a sauna. Ah, Chris, pull up on my body, yeah, Chris. Set it, rock off my back, yeah, Chris. If you set it, this kind of world, no, Chris. Set it, on my body, body, body. Door. And when she see me, she say she no go mind. Boy, would you give me some? Give me some more. Shorty gave me then she call me red and miss sleeping with a girl next door. And when she came, she say she no go mind. Boy, would you give me some? Give me some. Shorty wanna rock, shorty wanna Shorty said ketchup, make you give me back shot. Shorty wanna rock, shorty wanna ketchup, make you give me back a yeah. Bam bam banana, bam banana, banana, bam bam banana, bam banana, bam. Bam banana, bam banana, banana, bam bam banana, bam bam bam. Bambi, Bambi. Big up DJ Sam, big up DJ Hajime. Oh oh. Pouba mole la mouka flasque, mon girl. Tout ça savait qu'il y a look around the world. Pouba mole la mouka flasque, mon girl. Caribbean girl, I look like the world. Fresh, got diamonds and pearls. Bad girl, cabayo mal dead. Jeans qui a mal parlé, mais nous pièces pour l'air. Et si y'a des suspects, qu'on représente girl. Toi, mon nez on point, mon shape on point. Chaque côté, mon passé, mon toujours on point. La mobilité que mon gang est biché on point. Caribbean girl, I look around the town. Chaque côté, mon passé, mon toujours gangster. Bambi, y'a ça qui a pété y'a tête non-stop. Mon toujours qu'a venu que des different steps. Chaque son, mon cassotti, cabayo different tap. Gang funky. Pour pas moller la mouka flasque, mon girl. Tout j'en savais qu'il y a look around the world. Pouba moule la mouka flasque, mon girl. Caribbean girl, I look a la girl. Fresh, got diamonds and pearls. Bad girl, cabayo mal dead. Jeans qui a mal parlé, mais nous pièces pour l'air. Et si y'a des suspects, pouka represent back, pouka represent back, pouka represent back, pouka represent back, pouka represent son, pouka represent son, pouka represent son. Tell a girl, say, me's a girl, me no fight over man. From a little bit of just some tanna. This a girl, I'm the one, give me one. After that, him don't fool them. Me's a girl, no fight over man. And everybody knows that we are near brand. When me a wine, me give the wicked Islam. So me sorry for the girl, them out there when I'm no clam. I love them soul. On a goûté son mou, et tout ce qu'a pas les idos. Parce qu'on fait yon des 4 notes d'eau. Le mi-facido, la même y'est pas mes fardos. Quasimodo, des so me kri di mwel ji grosso modo. Au final yo fini soutiye. La ni brel souti, la ni bon oubliye. Et pas d'oc méchamment pour nous souriye. L'autre que c'est soit toi nous oublier. Hey baby girl, on n'y pas ni sèche la ni bret zouti. On n'y pas ni sèche la ni bret zouti. On n'y pas ni sèche la ni bret zouti. La ni zouti, la ni bret zouti. Mon la café de cafaille, moi pas fin parler mon garçon. Elle dit qu'a payé un buzz, la même y tourne comme maçon. Parce pas décidé de faire son, son pour la nation. Les mêmes fait que la fin next year, on m'y l'aide pas. Les fois que ça fait des cinéma. Elle veut pas besoin plastique, au mini-moi. Préliminaire, faut mettre la vie d'y moi. Mais si la nous qui prend, qui est loin d'être minimal. Yes, mi girl, on y a l'urani. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Car on est bédot, pour être moins malade. Pas d'y n'y en dit aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Et pas nous fait bon, nous pas comme ma gare. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Car on est bédot, pour être moins malade. Pas d'y n'y en dit aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Et pas nous fait bon. Boy skin, I go peel them. Blood, I go spill them. Hustle hot like the sun. Barrel spin like windmill them. To the game, feel them. Up to the hill them. Dial an F7 day. And send Frenchman and kill them. Ball and a scream when shots start to drill them. Mash up them bones, Dr. King can rebuild them. Got a boost up on your chest and go on like you are still men. Da ta ta ta ta. Look tap a shot. Pussy cutter. You tell me you's a bad man and you tell me you's a shatter. You never pass a gun, you never sell a party water. With the rich on me, man, me, I go smoke you like a matter. Idiot. Book becker. That's how Pessy L.A. laugh. Hey, see, any fun we made up? My girl, I lie, you know? I want to put you on your back, on your back. I want to put you on your back, on your back. I want to put you on your back, on your back. I want to put you on your back, on your back. On your back. Kwa se zo, si ou mek, si ou go. We met a le photo, men yon go. I push in that, on your back, I put you flat. Back to win, I bow attack. Si ou vle me fest attack. I want to put you on your back, on your back. A le do. I want to put you on your back, on your back. A le do. I want to put you on your back, on your back. A le do. I want to put you on your back, on your back. Hey, you do. On your back, I put in you. Even if you come is true. Met I say a back and fool. Back ole a le go. Take your time, look it there. Let me push it right in there. If I flat, I have a spare. Start to climb up on a corner. On va saluer pardon, Little Mum, Melody, Krakinet, mais aussi Biscuit. Ils sont là, Gizon, bonsoir à toi, sois le bienvenu, découvre bien. Hashtag G97, hashtag Trace FM, Tijo derrière les platines. On a notre DJ officiel dans la génération 97. Vous réclamez vos titres. On revient dans un petit instant avec les breaking news. On va parler des émeutes en Guyane. 0820 203 200. On va également découvrir une toute nouvelle application qui met Lilou dans tous ses états. Restez avec nous, c'est tout à l'heure sur Trace Mada Gualayala. I must have been with you, shot this like I bet was cool. Hey, Jaim, where is that? You do say bombasa, carnival, sala, I pass a glass or something. Where is that? Come on, is that a good day? That's what bleach will lash. Big up, please, your son. Yoka gume pukala. Eke, multi-talented squad. Cloud Chilo, big up yourself, same speed. Hold it there, sniper. What we tell them? Seriana ep anna, yo kagume pukala, yo tifam yo ve goba, yo hule mod kriketa, se roro pulolo, from kapete chuyo, eh, roro pulolo, from kapete chuyo, jiggle and drop, sit down and stop, use on a head like a mop, woke up up, tip up up, pete chuy say he salop, hey, roro pulolo, from kapete chuyo, eh, roro pulolo, from kapete chuyo, on nous a réclamé également un petit peu de soca au standard. Ça débarque tout à l'heure dans la prochaine session. Tijo Sand avec nous tous les soirs. Il joue vos sons. C'est vous qui êtes au contrôle de la radio. Ici, c'est la libre antenne des auditeurs. Elle est faite par toi. Pour toi. Chez toi. Avec toi. Du sujet, du débat, du délire, du canular. Et évidemment, bah, tout ça, c'est toi qui vois. C'est toi qui nous propose. Les numéros de téléphone à appeler. Voir un petit peu comment ça rentre. Ta rentrée se prépare. Ou alors se consomme. 0820 203 200, c'est le numéro de téléphone pour nous joindre. Somebody say Poulo. Génération 97, la plus grosse libre antenne des Antilles Guyane sur Trace FM. Breaking news. On commence par quoi ? On va parler de Drake. Parlons de Drake. Oui, en fait, ses voisins, ils se sont plaints du bruit chez lui, notamment de la musique qu'il était en train d'écouter en Californie, dans sa maison. Et le rappeur leur a aussitôt fait une offre de 3 millions de dollars pour racheter la maison. Il avait déjà prédit, puisque dans son featuring avec Future, il avait chanté « J'achèterai la maison des voisins s'ils se plaignent du bruit ». C'est marrant ça qu'il ait fait un featuring avec Future pour prédire l'avenir. Quoi d'autre ? On va parler de Beyoncé lors de son concert le 11 septembre. Elle a invité en fait ses deux danseurs à venir sur scène. Elle a interrompu son concert pour qu'il y ait une demande en mariage. Donc c'est John Silver, qui d'ailleurs est venu aux Antilles Guyane, qui a demandé la danseuse de Beyoncé en mariage. Ah, c'est un mec qui a fait des classes de danse. Exactement, okay. Ça. Masterclass. Un chorégraphe, ouais. Okay. Ouais. Et il a demandé la danseuse de Beyoncé, Ashley Everett, en mariage. Et les fans ont tous été émus lors de ce concert. Et il y a eu quand même un partage de 3 millions d'internautes de cette vidéo. Alors s'il y a quand même des artistes qui partagent avec leurs fans le fait de pouvoir monter sur scène, etc., de partager un moment très très intime, c'est le contraire en ce qui concerne Kanye West. Vous avez vu ces images qui circulent de Kanye West ? Il y a un fan qui a réussi à accéder en fait à la scène, et là le mec, il a pas pris la blague. C'est genre le mec interrompt. Je ne prends jamais les blagues. Genre il interrompt son concert, mec. Non mais tu sais, genre je le vois bien parler à la troisième personne en train de dire, mec, t'es en train d'interrompre un concert de moi-même quoi. Myself and I, quoi. T'es en train de rater les meilleures minutes d'un concert de Kanye West. Et il a incité en fait le fan à se jeter dans la fosse en fait. Non. Ah ouais, quand même. Ça fait sale quand même. Ah, quoi d'autre ? Oui, on va parler d'une nuit d'émeute à Saint-Laurent. Alors c'est très très chaud. Les images circulent ont circulé en tout cas d'ailleurs toute la journée et depuis très tard dans la soirée en fait. Alors la raison, c'est l'intervention de la gendarmerie la nuit d'avant au domicile d'un homme, et le chien des gendarmes en fait aurait mordu l'enfant du monsieur qui avait été interpellé. Alors la famille du petit de ce dernier, la famille a réclamé justice. Et le ton est monté, il y a eu des jets de pierre, des bouteilles et cocktails Molotov, enfin il y a eu la totale. C'est rentré un petit peu dans l'ordre, du côté de Saint-Laurent du Maroni, tu y es, SLM, raconte-nous, hashtag G97, hashtag TraceFM, 0820-203-200, une nuit d'émeute hier soir, est-ce que tout est rentré dans l'ordre ce soir, ou est-ce qu'il y a encore justement du ressentiment de la part de la population, dis-nous comment tu vois les choses de là où tu es, de chez toi, c'est-à-dire de SLM, Saint-Laurent du Maroni, on est là, au 0820-203-200. On va parler de Nabila. Nabila, bah elle existe toujours. Ça faisait longtemps. Toujours là. Ouais, elle est toujours là. Elle a été l'invitée de Touche pas à mon poste. Et elle dit avoir très envie de revenir en tant que chroniqueuse dans l'émission. Elle dit ne vouloir même pas le faire pour l'argent. Pour le plaisir, rien que pour le plaisir. Genre, elle est vraiment dans la dèche. Elle est vraiment dans la dèche parce que tu sais, c'est ces gens qui ont été tellement habitués à être surexposés. Au bout d'un moment, ça leur manque, tu sais, et genre, ils deviennent complètement dingues. Ouais, mais c'est pas grave. Quoi, faut que je te paye pour participer à l'émission? Il n'y a pas de problème. Je vais te payer. Combien tu veux? Ce qui me reste. Voilà. Et à propos de gens qui étaient super exposés, il y a Fida Turner, je sais pas si vous en rappelez, elle était dans réalité. Et le Loft. Ouais, le Loft, il me semble. Et en fait, elle était l'invitée du Mad Mag hier et elle a rien trouvé de mieux que d'aller à l'émission sans culotte. Alors forcément, elle a fait des croisées. Les gens ont pas suffisamment remarqué, donc elle s'est mise sur carrément le bureau de l'animateur et carrément la caméra avait vu sur la. Sur l'entrejambe, sur la madafa. Sur la poufoune de la sur table. Sur la madafa, la cocotte. En direct. Elle n'est plus avec le fils de Turner, donc il faut bien qu'elle fasse part des dalles. Ah, il faut carrément qu'elle lui remette son nom de famille aussi, parce qu'elle est en train de le salir. Ouais, parce que franchement, elle le salisse. Elle le salit grave. C'était même pas joli en plus. Non, l'épilation était franchement mal faite. Et puis c'était même pas beau. C'était Et le goaf, il vaut mieux. Quelle horreur. Lui qui aime tellement les cocoteuses pourtant. Hein, bizarrement. Quoi d'autre dans les breaking news? On parlait de Gaël Monfils, non? Gaël Monfils, ouais. Ben, il fait des scores extraordinaires et il est devant tout le monde pour le moment. Yes. Ouais, c'est le numéro 1 français. Voilà. Et je crois qu'il est blessé, il pourra même pas jouer la Coupe Davis. Il y a des gens parmi vous qui suivent un petit peu les Jeux Olympiques, en fait, des handicapés. Paralympiques. Ouais, les Paralympiques, en fait, exactement. C'est un truc de dingue parce que je trouve qu'il y a des performances hallucinantes qui sont réalisées. Alors, c'est vrai que sorti de son contexte comme ça, pour tous les valides, tu vois, ça peut faire sourire, mais en même temps, c'est une telle performance que moi, ça m'a interpellé. Je suis resté comme médusé hier soir en rentrant, tu sais, après la radio. J'ai regardé la natation. T'es tombé dessus aussi? Hommes et femmes, ouais. C'est les Asiatiques qui ont gagné sur les deux coups. Ouais, alors ils sont aveugles, ils traversent une piscine. Il y a une nana qui a même établi un record du monde, Elle a amélioré, en fait. C'est impressionnant. Je te dis, moi ça me fait halluciner. Il y a deux jours, je crois que c'était le marathon, en tout cas une épreuve de fond. Mmh. Et les trois mecs qui sont arrivés en tête, en fait, c'est les trois mecs du podium, eh ben, ils ont battu la performance qui était établi pendant les Jeux Olympiques. C'est-à-dire qu'ils ont couru plus vite que les valides, les trois premiers. Est-ce qu'il y en a d'autres parmi vous là qui suivent un petit peu les Paralympiques? Hashtag G97, hashtag TraceFM, 0820, 203, 200. On se prépare à quoi? Il y a du Big Quiz qui arrive, on a du monde qui va jouer avec nous. On a Christian, on a Romuald aussi. Vous vous inscrivez aussi pour repartir avec des cadeaux et on va se préparer tout à l'heure à la hotline du cocoteur. On va appeler des gars chaud qui sont inscrits sur des sites de rencontres. Donc je les chauffe par message. Comment t'as fait pour les trouver surtout? Ah bah je t'ai appelé. T'as remarqué le malaise? Comment ça? Mais non, mais quand je me connecte, comme j'ai mis un profil d'une chou super sexy et tout, bah les gens viennent par dizaines quoi. Tu es donc sur un site de rencontre, ok, ouais. La bonne excuse. Est-ce que t'en profites un petit peu pour remplir le frigo? Non. Tu fais ça uniquement pour le boulot, tu sais, le mec qui kiffe. Ouais. Voici Rihanna et Drake avec Too Good, on revient juste après sur Trace, à tout de suite. And I hope you can take it. years go by too fast. I can't keep track. How long did we last? I feel bad for asking. It can't end like this. We gotta take time with this. Cock up your bomba, sit down bonita. Let me see if this is something I can fix. Yeah. You got somebody other than me. Don't play the victim when you're with me. Free time is costing me more than it seems. Sacrificing things and I wanna tell you my intentions. I wanna do the things that I mentioned. I wanna benefit from this friendship. I wanna get the late night message from you. From you. I put my hands around you. Gotta get a handle on you. Gotta get a handle on the fact that I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it. No, I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it. Soir, tout est permis dans Génération 97 sur Trace FM. C'est fait pour toi, par toi et avec toi. C'est la rentrée également de Génération 97, Mada, Guadayana, 0820 203 200 également sur le net, www.trace.fm. Comment ça se passe, votre rentrée? Est-ce que ça va bien? Est-ce que tout se passe pour le mieux? Est-ce que les embouteillages, ça vous fait pas trop chier qu'ils reviennent? Il n'y en a pas tellement. Ah, ça dépend, ouais, non, il y a toujours oui, les heures de pointe hein. Oui, oui, mais j'ai... Il est en vélo, il est en vélo, il parle des embouteillages. Mais oui, mais justement, d'habitude... Il est même pas en vélo, il est en trottinette. D'habitude, justement, je dépasse plus de personnes. Donc là, je vois les bus passer devant moi, c'est un peu relou. C'est... Ouais, tu... Non, mais tu sens qu'il y a quelque chose de pas normal. L'année dernière, j'ai l'impression que c'était pire que ça. Ouais. C'est-à-dire que maintenant, t'as une impression d'impuissance. La coquine est là. À quel moment on a glissé? Qu'est-ce que t'as prévu, Lilou, tout à l'heure dans le sexe confessionnal? Alors, j'aimerais bien parler des trucs qui arrivent à faire débander les meufs. Parce que oui, nous aussi, on débander déborde. Les meufs. Ouais. Quoi? Ouais. Y a des genre, trucs qui vous bandez, quoi? Ouais, ouais. Ah ouais. Les trucs qui tuent le oui, désir, complet. En fait. Genre, t'as envie, et puis il fait un truc, et puis c'est fini. Et bah, t'as envie de te rhabiller, quoi. Yes. On testera également ce soir une toute nouvelle application, en fait. C'est ça, le BankFit, le WeFit version sexe. Alors, visiblement, c'est un site porno, en fait, qui est à l'origine de cette application. C'est ça. Et depuis hier, elle la teste, en fait, Lilou. Elle nous en parlera tout à l'heure dans Génération 97. 0820 203 200 également sur le net www.trace.fm. On a Yasmine qui nous rejoint du côté du standard. C'est pas Yasmine alors. Comment il s'appelle la personne pour le Big Quiz? Dis-moi, tu es stagiaire toi ou ben? Oui. Tu vas le rester très longtemps mec. Et je sais pas d'ailleurs si on peut rétrograder quelqu'un en bas de stagiaire. Ça arrive ou pas? Tu peux ouvrir la porte. Monsieur Pipi? Monsieur. Ah oui! Alors par contre, je sais pas qui c'est qui t'a couillonné, mais nous on ne paye pas pour aller dans nos toilettes. Hein. Lilou, t'as payé quelqu'un pour aller dans nos toilettes? Non. T'as laissé une pièce à quelqu'un? Donc on n'a pas besoin de Monsieur Pipi, ok? Je dis ça, elle je dis crée, rien. Elle crée des emplois, elle. Mais il faut, d'accord, mais il faut qu'elle les paye. Je pense qu'il faut qu'elle les paye. Hashtag G97, hashtag Trace FM, faire des petits coucous également sur le web. Notamment Ashley G qui nous rejoint. Elle aime bien les petits remixes, elle s'ambiance dans son salon. Princesse Mayu également. Et puis tous ceux également qui veulent réécouter l'appel de tout à l'heure, le Hey Baby Allo de tout à l'heure. Alors attends, est-ce qu'on l'a enregistré ou pas? Parce qu'on l'a fait en live. On l'a enregistré ou pas? Oui. Lequel? Cédric? Cédric, c'est pas toi? Oui, c'est ça. Je sais pas si je le repasse. Il m'a mis mal à l'aise, ce garçon. Il m'a mis très, très, très mal à l'aise. Bon, alors écoute, c'était tout à l'heure dans Génération 97. Allô? Hey baby, allô? Allô? C'est qui? C'est pas moi. Arrête, Cédric, je sais que c'est toi. C'est pas moi.

On nous a lancé un défi. On se l'est un peu lancé nous-mêmes d'ailleurs, je pense aussi. Hein. C'est un peu de notre faute. On était avec Christian, un automobiliste guadeloupéen qui s'était énervé et qui avait fait une vidéo suite à une nana qui reculait dans un rond-point avec sa voiture au lieu de contourner le rond-point. Des phrases cultes s'en suivent de cette vidéo, comme la nouvelle manière de dire un rond-point. On avait déjà eu le non-point, place désormais au rond-point. Rond-point, oui, c'est ça, c'est rond-point. D'ailleurs, on ne dit plus contourner, mais on dit... Waouh, c'est dur. Je pense qu'il faut être dans la tête de Christian. Il faut Contourne. Voilà, contourne. On avait le défi d'en faire une chanson, on en a même fait un clip. Dans un petit instant, Christian, nous allons peut-être honorer notre promesse, peut-être pas. Bonsoir Christian, comment ça va ? Bien et toi ? Ouais. On récapitule, on avait le défi d'en faire une chanson de ta vidéo, ok ? Tu nous diras si c'est validé ou pas. On fait ça dans un petit instant, tu bouges pas Christian. Rompe-ouin. Rompe-ouin. Et comment on dit contourner? Contournerie. Même lui il a du mal. T'imagines? Même lui il a du mal. C'est-à-dire qu'en fait concrètement il écrirait le premier dictionnaire au monde qui aurait une réforme toutes les 5 minutes. D'ici là c'est DJ Tijo Sound. On va se démarrer sur un petit VJ Ben avec Kérosène, Silver, etc. Toute la clique, tous les jours, tu pars où tu veux, mais surtout vous, derrière la radio, vous réclamez vos sons avant que tu ne découvres ce qu'on a fait de ta vidéo dans un petit instant. A tout de suite Christian. 0820 203 200, vous vous lâchez. D'ici là, eh ben nous on lâche le son. Big up Tijo Sound, Big Bad DJ. Vas-y. Oh oh. Viré depuis le départ, qu'a senti moins bien aller tous les jours en vérité, wow. Y'a nous qui aille là où veille, ou pas qui qu'est en moi, elle veut mettre sentiment en otage. Y'a nous c'est une belle jeune femme, en vie pas où rester seul, en qui fait tout pour ses temps, en quoi c'est là qui rété derrière. Et nous qui flex faut occuper des mounes, et qui a dansé encore qu'a senti moins bien, qui prend aller sans retour, en nous partir sans garder derrière. En savant jour qui est en moi, c'est les moins forts pour pas faire rien. En vérité, en pas changer. Tu es dans la ligne de mes raisons, regarde m'assassine. Mes yeux commencent à briller. Si elle veut le premier pas, elle me prend pour sa cible. Je vais pas me faire briller. Je suis dopé, alcoolisé, mais je perds pas la tête. Tout ce qu'il faut pour te faire kiffer. Pour te rendre accro, la première danse est gratuite. La première danse est gratuite. Échange de 06 direct au calme, que de l'oreille. Bad bye n'est pas poteau avec la piste de danse. J'te paye tout le bar si ça te plaît. Si j'pouvais j'serais le DJ rejouer ces putains de son à outrance. Tellement je plane, je vole, tellement je vole, je plane, putain. Plus rien n'a aucun sens, mais c'est vrai. La fin de la chanson, tu la connais, yeah. J'suis dans la ligne de mes raisons, regarde m'assassine. Mes yeux commencent à briller. Si elle fait le premier pas, elle me prend pour sa cible. J'vais pas me faire briller. J'suis dopé, alcoolisé, mais je perds pas la tête. Tout ce qu'il faut pour te faire kiffer. Pour te rendre accro, la première danse est gratuite. J'espère que je vous dérange. Je n'ai pas pu me retenir, je sais qu'on s'est quitté à longtemps. J'ai toujours ton numéro, je le connais comme mon nom. J'hésitais mais faut qu'on est beau, de t'entendre je suis content. On m'a dit que t'as un enfant, je suppose qu'il s'appelle Adam. C'est ce qu'on s'était promis, jamais je n'oublie. Un fils ou une fille, si j'avais mon CD, même si c'est fini. Penses-tu à moi dans ton lit? A-t-il le secret qui te fait gémir? Mon poudrin, les gens d'un autre voient rougir. Baby, j'suis tellement désolé. Tommy won't get tight. Pas non l'on met tout le monde en Italie. Même si il a acheté les villages en papa. C'est la vie comme un emballage, pas ni plaisir. Tout cassé face à face, c'est comme ça au pays. Les sols c'est fesse à fesse, c'est comme ça au pays. Pas ni maman, pas ni papa, le week-end, pas ni au pays. Tout cassé face à face, c'est comme ça au pays. Can dead. Every man a gunman. Me no want hear about your blood clad and rifle in a me land. Turn over, jump on. Hear me, Geno. Yeah, listen to me now. I'm a boy, by a late gunshot. Me follow. Pression, manipulation, nous les pressions sont à la guide, je y'en ai l'impression, avec un connais la vie, ah, ça c'est mon ambition. Je veux rouler sous l'or, je veux toucher le million. Moi dans toutes circonstances, faire retrouver mes mignons. Pas de palais ou pas palais, moi ça fout tes dix opinions. Les grands disent, moi la vie, avant que ça avait frappé. Même si il reste réussite, là il est arrivé après. Moi j'ai choisi musique, donc foutez-moi la paix. Mon dépression m'en paré, comme jamais m'en sapé. Oh, the mystery I'm gone. I threw up this. Yo, me and say 30 years it get like start telling up. Ah, what you did? What you did? Yo. Oh, the mystery I'm gone. I threw up this. Yo, me and say 30 years it get like start telling up. Ah, what you did? What you did? Ah, what you did? Dog, ah, what you did? Ah, what you did? Dog, ah, what you did? How you did that dog, how you did that? How you did that dog, how you did that? How you did that dog, how you did that? I different thing, boy. Ini moi tout ça commencé, mais histoire là pas clair. Ini moi non tout monté, parce que femme t'as la qu'à play. Et pour un fois qu'il a chanté, c'est tout quoi qu'il a fait mal. Il s'est le dit qu'il a manché, mais ça qu'a fait peur. Peut-être mieux si c'est ça qu'il a pensé, mais ça va certain. Pour moi, il y a pour un effort, c'est pour un gestel qui sale. Répond la ligne au ciel, puis qu'à regarder, puis qu'à sentir. Tout le coïc à mon bail. Si c'est les vivants, les poupées, t'es en journée, en chance d'y dormir en braille. En braille, en braille, en braille, en braille. Bitch, better hit my minor to Rihanna while the whole club fucking wasted. Des Antilles Guyane sur Trace FM et nulle part ailleurs. 0820 203 200. Appel. On a la hotline du cocoteur qui débarque tout à l'heure. Ouais, on va passer en mode sensuel. On va appeler les pervers du net. Ouais, les pervers du net, il s'est créé un profil. Il leur parle tous les soirs dans Génération 97. On appelle qui tout à l'heure? On appellera. Comment il s'appelait? Hier, c'était Maxi Coco, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mais ça nous aide pas sur plus. Le prénom de celui de ce soir. Ouais, tu en as tellement. Grave. Tu en as tellement. Tu en as tellement. Trop de conquêtes. Il a déjà commencé un petit peu à le chauffer au téléphone tout à l'heure. Tu es vraiment chaude, hein, toi. Mmh. Et alors, tu as envie de passer tes doigts? Oula. Tu as envie de passer quoi? Tes doigts? Mmh. D'accord, ok. Tu l'as un peu chauffé tout à l'heure. Ah, à la suite de la hotline du cocoteur, c'est tout à l'heure dans Génération 97 0820 203 200. C'est quoi? C'est du big quiz ou du jeu de la rime alors qui débarque? Là, il y a Christian. Ouais, et tout à l'heure, ça sera. Ce sera du big quiz. Yes, aïe. Vous inscrivez Ashley, Mayu, 0820 203 200. Également sur le net www.trace.fm pour repartir avec des cadeaux. Christian. Rappelons qui est Christian. Christian, c'est lui qui a fait un coup de gueule hier par rapport aux gens qui savent pas prendre les ronds-points. Les gens qui font marche arrière de rond-point, qui suffit de faire le tour du rond-point et qui sont pas foutus d'apprendre comment est-ce qu'on fait un rond-point. Le monsieur était très fâché et nous, on a bien rigolé. On a bien rigolé et du coup, on s'est lancé. On a hérité d'un défi en fait. Ouais. Tout bêtement, on l'a cherché un petit peu notre truc, hein, sans faire exprès. L'idée, c'est en fait que... On a pris des phrases, des mots, une nouvelle manière, un nouveau dictionnaire, et on a décidé d'en faire une chanson. C'est très tendance, d'ailleurs, en ce moment, Christian. C'est toi qui vas nous valider le son ou non. Christian, tu es avec nous? Ok, je suis là. Yes. Rappelons le lexique. Rompe-ouin. Ouais. Contourne-roun. Ou un truc dans le genre. Moi, même pas arrivé. Voici le remix de Christian. Il était en colère sur la route. C'est devenu un sketch. C'est presque déjà culte. Vous le découvrirez peut-être, mais nous, on en a déjà fait une chanson. Voici le remix Bouncé. On a appelé ça le Bouncé de Christian. Tu es prêt? Ouvre bien grand tes oreilles, mets ça en Dolby Surround stéréo. Et voici ce que ça donne quand ta voix ou quand tes expressions deviennent une chanson. Il y a des gens qui ont fait n'importe quoi. Comment se fait ce deal? Comment se fait ce deal? Qu'est-ce qu'on a fait? Macha ou gay, alors on rompt. Comment tu peux te faire? Comment se fait ce deal? Comment se fait ce deal? Comment se fait ce deal? fait que 30 secondes. Pour l'instant, on en a fait que 30 secondes, mais est-ce qu'on peut d'ores et déjà considérer qu'on a validé une bonne partie du défi, voire, à tes yeux, validé le défi ? C'est validé. C'est déjà vraiment pas trop mal, ça. C'est vraiment pas trop mal. Tu kiffes ? Eh ben, tu sais quoi ? On va te l'envoyer. On en a même fait un clip, d'ailleurs, qu'on va publier maintenant sur les réseaux sociaux pour aller jeter un petit coup d'œil dessus. On va te l'envoyer pour que tu puisses le publier également sur ta page. Tu veux te le refaire là, un petit peu en mode ego trip, machin, envie de te réécouter. Comment se fait-il ? Comment se fait-il ? Il y a déjà un refrain. Hein. On y va. 1, 2, 3. Comment se fait-il ? Comment se fait-il ? Comment se fait-il ? Comment se fait-il ? Comment se fait-il ? Putain, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant avec les logiciels, c'est un truc de dingue. On est complètement malade. Ouais, on est complètement dingue. Un gros big up à notre stagiaire Camille, qui s'en est occupé. Il a passé sa journée dessus. Putain, t'imagines, il faut qu'il justifie à ses parents qu'il fasse un stage à Trace. Je sais pas comment, à quoi ou quelle forme ça va prendre dans son rapport de stage, mais il pourra dire bah oui, le mercredi 14 septembre. J'ai voilà fait. Voilà ce que j'ai fait. Le papa Guillaume m'a dit, comment se fait-il que tu as pu réussir ton stage avec un truc aussi pourri? Comment se fait-il? On balance la vidéo parce qu'on a mis des petites images, il a fait un petit montage un petit peu sympa à jeter, pour jeter un petit coup d'œil, rendez-vous sur nos réseaux sociaux, hashtag G97, hashtag TraceFM, 0820 203 200. Est-ce que t'as un petit ticket MJ là sous la main, un petit chant à métro? Oui, le DJ, t'as ça était... Le DJ était parti faire pipi. Oui, DJ, toi, tu joues ça. On applaudit le pipi du DJ s'il vous plaît, bravo pour ton pipi. Ouais. Il a dit tu l'as vu en plus, franchement c'est dégueulasse. Moi je suis un bâtard mais fini. Bon Christian, on t'envoie le son, jette un petit coup d'œil également sur la vidéo. Mec, ça a été un plaisir de te remixer. C'est le stagiaire qui l'a dit tout à l'heure. Il retourne faire pipi. Yes. Ok. Habita 0820 203 200. Également sur le net www.trace.fm. On se prépare tout à l'heure à du sexe confessionnal. On va parler de quoi dans le sexe confessionnal? On va parler des trucs qu'il faut totalement éviter si tu veux pouvoir conclure ce soir. Grosso modo, les trucs qui bloquent les filles. Hein. C'est-à-dire que tu peux avoir fait tout ce que tu veux. Investi dans un restaurant, t'être bien ou rasé, ou avoir mis le caleçon propre, ou le caleçon tendance. Si tu fais une de ces erreurs, a priori, c'est mort. Ah ouais. On cherche ces erreurs. Hashtag G97, hashtag TraceFM, 0820, 203 200. Également sur le net, www.trace.fm. Le temps d'un tic MJ avec ce titre. Et puis on revient juste après dans Génération 97. À tout de suite. Session trap qui se prépare dans la génération 97. On commence par Tikam J. Oui, observez you. En fait, moi, passer pour Tinek. Pour tes cerner you. En ces volants sont pirates. You be pas berner moi. You be pas cerner moi. Ouais, c'est mes c'est des tirates. Casse sous ses oies, con chien. Manqué pelté you. En ces volants sont pirates. En ces volants sont pirates. Blanc à montant, qu'à songer. Mon nas à carotte, moi, des coups. Jordan qui est arrivé ou pas chanter à métro. Je vais faire passer pour Tinek. Qu'est-ce que vous partez comme ça avant? Parler sur ces du pas bon tirat. Pas rentrer dans ta copinage. Moi observé. Big up DJ Son. Big up DJ. Oh oh. Oui, observez you. En fait, moi, passer pour Tinek. Pour tes cerner you. En ces volants sont pirates. You peux pas berner moi. You peux pas cerner moi. Ouais, c'est mes c'est des tirates. Casse ses oies, gros chien. Manqué pelté you. En ces volants sont pirates. En ces volants sont pirates. Blanc à montant, qu'à songer. Mon nas à 40, dis moi des coups. Yo dis moi Jordan qui est arrivé. Ou pas chanter à métro. passé pour Tinek. Qu'est-ce que vous partez comme ça avant? Par les sources du pas bon tirat, par un trait en copine, moi en observé yo. Enfin, mais passé pour Tinek. Moi t'es cerné yo, moi c'est volant son pirate. Y'a pas berné moi, y'a pas cerné moi. Ouais, c'est mes sources des tirats, car c'est zo au cochon. Moi qui pelle yo, moi c'est volant son pirate. Moi c'est volant son pirate. En pas besoin yo, en pas besoin zami. Moi bon Dieu à nous dénoncer en gang. Tant qu'elle veut la famille, nous j'attrape c'est one on one. Qui revient foutre la merde? C'est toujours le même. T'as connu l'équipe, t'as senti l'équipe. Y'a des chevaux plus que dans ton lambeau. Tu t'es fait avaler dans le dos. Trop long pour que tu nous rattrapes. T'es né dans les choux, j'suis né dans la braque. La liberté mon frère c'est savoureux. Tu rentres chez les tentes, t'en ressors amoureux. Pour ceux qui font des sous comme nous, NW est dans le sang, on vous mettra à genoux. Nouvelle caisse, nouvelle yas, Rolls Royce, pétasse, constable, 20 bouteilles, toujours calibré dans le club refrain. On compte en l'air, I get it, I get it. On compte en l'air, talk about it, I live. On compte en l'air, fly cars, I whip it. On compte en l'air, big money, I flip it, hein. Left on the plane, came on the boat, 300 chains, came in her dope. Ain't no telling where a nigga might be. Nick game floor seats right next Spike Lee. I be hiding the motherfucker, flying the motherfucker. 500 horses, ride like a motherfucker. Please tell me what these niggas selling with. Pressure on tight, you know these niggas telling. Champagne like July 4th, buggy out Porsche. Beat the pussy up, Scott Storch. Montana get A-Rab money, laughing to the bank, cause these niggas funny, huh? Vegas, Vegas, Rolls Royce. Avant de toucher ma titre, il faudra me tuer, peu importe la couleur. Tony sans salarié ouvert, le double R et puis couleur. Mon négro, le double R et puis couleur. Mon négro, je ne coopère pas sous la douleur. J'suis tellement loin dans les bails noirs, très noirs, t'as Illuminati. J'la mets jusqu'à là, je dors comme si j'baise la Mimimati. Ils sont tous des collabos dans l'industrie, moi j'suis dans le maquis. J'ai le nerf aussi sans John Rambo. Mon char d'assaut, on va les parquer. Ouais, pour n'ayez qu'un en moi. Enseignez qui a tête en moi. Yo dis moi pour un qui a fonté moi. Mais ça qui fait de belles péquées, changer pour rien. Génération 9-7. Laissez vie en moi, mais à la chance. Et viens l'expliquer, guider moi. Ou cracher en main là qui roule les vœux à l'eau. Ou goûter en fer en moi. Pas fait semblant ou aimer moi. C'est butant, c'est des winner moi. Vérité pas carré, caché, mais ça fait c'est le bon Dieu qui te guide moi. Moi en vais pas, en vais pas, en vais pas laisser bayou, moi en vais pas rayo. Et en tout seul, en tout seul, en tout seul, en moi et en mis en bien parano. Réussite à créer jalousie, ou verser pour pas prier, et pas ça bien nègre. Papa dit moi sous tombé, vous levez ou sortir à don la salle rebelle. Ouais, pour n'ayez qu'un moi, en fait y'a qui a tête en moi. Yo dis moi, faut entrer à compter moi, mais ça qui fait belle péché, changer pour rien. Mouais pour n'ayez qu'un en moi, en fait y'a qui a tête en moi. Yo dis moi, faut entrer à compter moi, mais ça qui fait belle péché, changer pour rien. En grandi là où t'as t'es qu'à danser, allez yo, pas ça, pas pour faire des moins. Ça va faire que yo tout s'est bon moi, mais à la mort, à dog en moi. Même pour kilo, toi, pour un million, cent mille, en fait que j'ai 20 frères en moi. Rien qu'il en qu'est 6 pieds sous tes bébés, en qu'est fait la paix avec moi-même. Mouais pour n'ayez qu'un en moi, c'est l'aspirant qui compte en moi. Ou la m'a touché, en j'ai t'as tabouvé, pas sans contradiction avec moi. Mouais pour n'ayez qu'un en moi, continuez vers la tête en moi. Money, money, I got money, I need money in my pants, I got money, I can't change. 20, 50, on the block, on the union main. On the dollar, streaming, feeding, switching back. If I need some rest, I'ma flip me some packs. I talk like I want it, she don't say nothing back. If cop pull up, I put that crack in my crack. Put that brack in my brack. Call a shorty, made a fuck on my brody. If you don't owe me, bitch, still act like you owe me. I promise I won't ever quit, bitch, I'm Kobe. And I will that white, you can snow me. Snow the young thugger, I whip it, that bitch, she know me, I'm thugger. Yeah, she shining like butter, the bitch from Chicago, I call her young cutler. Leave it to Beaver, I pull up in Billy with Latin, they all wanna meet. Yeah, they all wanna agree, don't need put that in bed. I got two phones, one for the plug and one for the load. Lamp up. marginal, yeah. Je reste debout, tu reveilles mes arrières. J'ai la dope pour booster ta carrière. Oh yeah. Je tourne dans le. Alors, give up. Quelques horloges et quelques prix. J'ai subitement perdu mon âme de fêtard. Tu veux, je fais la gueule de pied. Il le fallait inévitable départ. Si ça marche pas, je reviendrai tant pis. Je rêve de chaleur et de lueur. Ma liberté, elle est ailleurs. Stack my change, I ain't gon' see that jeweler. Stayed in the kitchen, I whip out that, whip out that, whip out that, whip out that. Stayed in the kitchen, I whip out that, whip out that, whip out that, whip out that, whip out that. All I ever had with the my cousin Leroy with the then the GT switch to four lanes on the store with the cook like. Du remix dans la radio avec Tijo Sound. On revient avec du sexe confessionnel dans un instant. On se prépare également au Big Quiz. Et puis la hotline des cocoteurs où quand les gens les plus chauds inscrits sur les sites se font tester par Hugo. C'est dans un petit instant dans la trace radio. Juste après ça. Souviens-toi, en ce moment, Trace FM te sape pour la rentrée. Cette semaine, ta radio t'offre ta paire de Nike Air Max. Ta paire de Nike Air Max. Toute la journée, dès que tu entends ça. À la suite. Appelle-nous au 0820 203 200. Lance la trace roulette et repars avec ta paire de baskets Nike Air Max au pied. Plus d'infos, trace.fm. James Bond, Mr. and Mrs. Smith et Jason Bourne n'étaient pas disponibles. Alors pour sauver le monde, il n'en reste plus que. J'ai un plan. Ça pourrait peut-être nous tuer tous les deux, mais dis-toi que si ça passe, on va devenir de vraies légendes. C'est cool. Non, ça rien de cool. Dwayne Johnson, Kevin Hart, agent presque secret. Cet été, on sort les gros calibres. Agent presque secret, actuellement au cinéma. Tu écoutes Trace FM. Trace FM, toute la semaine, de 14h à 16h. Reste scotché à ton poste pour deviner les sons de la prog de Trace. 14h, 16h. C'est quoi ce son? Dès que tu entends le signal, écoute bien le son qui suit. Appelle-nous au 0820 203 200. Dis-nous qui chante et c'est gagné. C'est quoi ce son? T'as deviné? Appelle et repars avec ton kit Trace série limitée t-shirt plus sticker plus pochette mobile étanche pour ton smartphone. Génération 97. Le soir, y a pas de limite. 0820 203 200. Mada, Guada, Yana, vous n'avez plus le choix. Le soir, on libère la parole et parfois il y en a qui ont vraiment pas besoin d'aide. Hein. Juste un tout petit coup de pouce. C'est tout à l'heure à la hotline des cocoteurs. Tu es vraiment chaude, hein, toi. Et alors, tu as envie de passer tes doigts? Hugo, t'as fait ça? J'ai fait ça. Est-ce que tu prends une douche après chaque appel de cocoteur? Non, du tout, je suis toujours pur. Hein. Tu es tout sec. Ouais, c'est... Tout sec. Tu es tout sec quand tu raccroches? Bah oui. C'est quand je mis sur un pervers. Je sais pas, moi. Non, mais peut-être que, tu sais, des fois, on sait jamais, c'est quand même dangereux comme jeu à un moment ou à un autre. Peut-être que tu vas ressentir quelque chose de particulier. Bref, non. C'est l'heure de parler sexe dans la radio. On est en mode sexe confessionnal. Oui, alors je vais vous parler d'un truc qui m'est arrivé et qui m'a traumatisé. Pourtant, je suis pas facilement impressionnable en général. Couchez-moi les chinchan. Les chinchan. Oli, les mini-justiciers. Oli. Babar, Pigoui Plus. Oli. Du Big Quiz tout à l'heure. On vient également avec d'autres choses, les traceurs. Mais d'ici là, c'est en mode sexe confessionnel avec Mayou qui nous rejoint du côté du standard. Bonsoir, Mayou. Maman. Mayou. Allô. Allô. Oui, bonsoir, ça va? Oui, ça va et vous? D'accord, ok, bah, écoute-nous, ça va en pleine forme. Tu respires un peu fort dans le téléphone, est-ce que tu veux de la ventoline? Quoi? Non, je sais pas. C'est quoi? On dirait que tu es... C'est, tu sais, c'est le médicament, le petit... Que prennent les asthmates, les gens qui ont de l'asthme, les asthmatiques. Non, non, non, c'est juste qu'elle m'endort pas et elle sait pas que vous m'avez appelé. Et elle ne sait certainement pas à quel point tu es coquine. Ah, voilà. Tu voulais réagir, coquine. Il va falloir assumer. Maman dort dans combien de temps? Elle vient de se réveiller, en fait. Ah merde, ça c'est con. Eh ben écoute, bonne chance, parce que pour toi c'est presque une émission impossible. Mais tu vas devoir quand même le faire. Ok, t'es là pour témoigner. Le thème ce soir, c'est on cherche les trucs qui cassent, qui enlèvent toutes les envies, qui peuvent complètement grainer le plan, en fait. On commence par quoi? T'en as une? Attendez. Non, non, non, non, on n'attend pas. Non, c'est le moment de parler. Passe-nous ta maman. Lui mets pas la pression. Bonne nuit, chérie. Je suis mignon. À qui elle dit chérie? À maman. À mon neveu, il a 4 ans. Oh là là, toi, je veux dire, il y a le level 1, 2, 3, il y a juste avant le boss de femme, et toi, tu es 3 stades plus loin. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un neveu de 4 ans qui est juste à côté de toi, il y a ta maman pas très loin qui s'est réveillée. Mais tu ne résistes pas à ta pulsion de coquine. On en parle avec toi. C'est quoi le truc qui casse tout pour toi? Le truc qui graine le plan? Le truc, franchement, honnêtement, après t'as plus envie. Que ce soit une phrase, que ce soit une réaction, que ce soit une attitude, ou que ce soit un truc que tu découvres. Y a rien qui te casse jamais. Quand le mec il te capte pas. C'est-à-dire quand le mec il te capte pas? On t'entend assez mal, Mayou. Ouais, mais là. Yannick te comprend parfaitement. Moi, j'ai rien compris. Ah non, mais moi, j'ai une oreille aiguisée depuis des années, en fait, à la coquine. Hein. Je veux dire, j'ai pas besoin qu'elle parle. Tu sais, je comprends, en fait. Sauf que là, elle exagère un peu le truc. Elle doit être dans son oreiller, dans une pièce extra. Peut-être dans un sachet qu'elle a fermé pour pas qu'on l'entende. Allô? Lol. Ouais. Donc, alors, vas-y, explique-nous. Quand le mec te capte pas, ça consiste en quoi, en fait? Eh bien, quand il lui dit quelque chose du style voilà, j'aime pas ci, j'aime pas ça, et lui fait genre une différence quoi. Alors, traduction, moi j'ai compris le début de la phrase. Quand il te fait style j'aime pas ci, j'aime pas ça, et ils vont se montrer comment? C'est mieux là maintenant là. C'est un dauphin. Mayou, tu peux aller aux toilettes ou sortir? Ouais, je sais pas. Ouais, prends-toi une pause, quoi. Je veux dire, have a break, have a Kit Kat. Vas-y, sors de chez toi. Je sais pas, fais un truc, quoi. Mets-toi sur une terrasse. Il y a forcément. Tu vas pas me faire croire que tu vis dans une maison depuis suffisamment de temps. Tu n'as pas repéré les endroits où on n'entend pas tes conversations. Ne me fais pas croire ça. Hein? C'est mieux. Oui, c'est moins pire. C'est mieux. Tu as déjà sexé pendant que ta maman est là? C'est pas une question à poser, ça. Je me demande qu'est-ce que tu fous dans la rubrique le sexe confessionnal en même temps. La meuf, si on peut pas discuter avec elle. Non, mais t'es en train de nous montrer qu'en fait, concrètement, t'assumes pas forcément qui tu es, machin, etc. T'arrives avec des trucs à dire, mais finalement, ah, ma maman est réveillée. Je vais vous rappeler. Non, pour être franche. Ouais. Je reconnais, j'ai déjà sexy, mais pas chez moi. D'accord, pas forcément avec du monde autour de toi. Alors, moi, ce que j'ai toujours pas réussi à comprendre, maintenant qu'on t'entend mieux, c'est pourquoi le gars qui capte pas, c'est un truc qui casse ton envie. Parce que comme je t'ai expliqué, par exemple, tu lui dis j'aime pas ci, j'aime pas ça, mais lui, limite, il s'en fiche. Ah, il insiste et force le truc, en fait. Genre, je dis une bêtise, t'aimes pas qu'il t'embrasse sur le sein gauche, le mec, à un moment, il joue avec tes tétons, il s'acharne. C'est genre, non. Un exemple du moins l'acte, le téléphone sonne. Ah oui, mais là tu parles. Ouais, donc. Ah! Alors tu dois pas prendre ça quand même, tu l'amour. Moi, ce que j'adore, c'est dans la phrase, c'est moi j'aime pas quand il me capte pas. Mais là, c'est pas qu'il te capte pas, c'est qu'il capte quelqu'un d'autre. Il capte quelqu'un d'autre sur son téléphone. Tu sais, il a du réseau, donc allô. Sérieusement, il a déjà décroché pendant que vous étiez en train de ken. Hein? Il a déjà décroché pendant que vous étiez en train de. Oui, je peux dire. Attends, je suis occupé là. Non. Alors, moi j'ai une question, c'était qui cette personne? C'était une personne importante pour lui parce que... Pour sa maman. C'était ça, au moins sa maman. C'était qui? Ah non. Ah, je ne sais pas. Il m'a dit que c'est un pote. Hein? Ouais. alors moi, je comprends pas aujourd'hui, il y a tous les forfaits possibles et imaginables qui te promettent de l'illimité, pardon. À un moment ou à un autre, tu rates un appel, tu rappelles quand t'as fini. Pourquoi? C'est quoi l'intérêt de décrocher, surtout pour dire à quelqu'un, je suis occupé, je te rappelle? Hein, pote? Je t'assure aussi, ça a cassé l'ambiance. Non mais forcément. On comprend que ça ait cassé l'ambiance. Mais là, il y a une vraie enquête qui doit s'enclencher, c'est-à-dire qu'on doit essayer de comprendre pourquoi le mec fait ça. C'est quoi ce genre de pote? C'est quoi ce genre de mec, ouais? C'est super bizarre. Et il a dit. Alors moi, je vais faire le tour, tant qu'à faire. Est-ce qu'il lui arrive de mettre son casque, d'écouter de la musique pendant qu'il te fait l'amour? Ça arrive ou pas? Ah non. Alors, est-ce qu'il envoie, il a déjà envoyé un texto pendant qu'il était sur toi? Le texto, oui. Envoyé, non. Ah non. Tu as trop laissé passer de choses. Le mec, il a lu un texto ou il a répondu à un texto? J'ai pas entendu. Il a lu, mais il a pas répondu. D'accord, ok. Donc, en fait, c'est-à-dire que c'est un mec hyper connecté. Le mec, même dans ton vagin, il arrive pas à se déconnecter du reste du monde, quoi. C'est pas méchant, mais déjà, je trompe de trou, donc... Aïe. Qu'est-ce qu'elle a dit? Il se déjà, trompe de trou. Il le trouve. Non. Non, alors, on entend tous quelque chose de différent. Bah, j'ai entendu l'histoire de tromper de trou. Moi aussi. J'ai entendu tromper de trou. Bah, alors, c'est ça. Il se trompe de trou, c'est-à-dire... Il est tellement connecté ailleurs qu'il rate le trou. Il rate le trou? Et il atterrit où? Il atterrit ouloulou. Ou il atterrit ouhouhouhouille. Non mais t'es sérieuse? Ça fait combien de temps que t'es avec ce mec? Allô? Allô, s'il te plaît, j'ai déjà du mal à me concentrer. Ça fait un moment que t'es avec ce mec? Ah, merde, il y a du monde autour. Six mois. Putain, et parle un tout petit peu plus fort, s'il te plaît, Mayu. Ça fait 6 mois que t'es avec ce mec. Et ouais, on t'entend mieux. Tu aimes coucher avec ce gars? Non, mais en fait, comment vous expliquer? Ça fait 4 fois qu'on est sur les transformes, mais c'est pas possible. Et il y a une seule fois qu'on l'a fait. Et dans cette seule fois-là, il a décroché le téléphone et regardé un texto. Et trompé de trou. Et B, faut que tu changes de mec. Oui. Non, c'est... Oh. Et imagine-toi, c'est quand même super bizarre que tu tolères. Faut que tu prennes un qui soit un peu plus libre. Ou alors, elle n'est pas obligée, peut-être que ça lui convient comme situation. En fait, toi, ça te dérange pas qu'il check ses messages pendant qu'il est en train de te niquer? Je lui fais la remarque et s'il me dit non, t'inquiète. Alors moi, j'ai une question, par contre. J'ai une question. Tu lui fais la remarque pendant qu'il est en train de lire son message ou tu le fais après quand même pour respecter le fait qu'il lise son message? En même temps, parce que... Non mais attends, imagine-toi, tu débarques à l'antenne, tu me racontes qu'en fait que quand tu couches avec ton mec, il a déjà une fois décroché au téléphone à un pote pour lui dire je suis occupé. Mais enfin, je comprends pas l'intérêt. Mais quand tu me racontes que le mec il check ses SMS, si genre son téléphone fait ting ting, tu vois, pendant qu'il est en train de coucher avec toi, le mec il check son message, quoi. Peut-être qu'il est en train de répondre qu'il était occupé aussi. Alors par contre, s'il fait ça, j'ai tout fait quand même, hein. Bah, surtout que c'était okay. Votre première fois. Non mais en fait, surtout ce que je trouve que tu réalises pas, Mayu, c'est que le toupet est très largement dépassé. Avant même tout le reste. C'est-à-dire qu'au départ, je trouve ça bizarre que le mec check son SMS, quoi. Mmh. Que le mec puisse répondre à son téléphone pour répondre à un truc. Ouais, c'est un non-sens. Ok, le mec il réfléchit pas. C'est un réflexe, quoi. C'est pas possible. Je vais pas vous mentir. C'est quelqu'un qui a beaucoup de patience et qui est très chic. Alors, j'ai pas bien compris. Tu as beaucoup de patience ou tu n'en as pas beaucoup? Et lui, il n'a pas beaucoup de patience et il est très chuchotique. Alors quand ça va être... Parce que là, on est en train de... Je te le dis, ouais. Non mais ton mec, c'est un champion. Ah frère, ça c'est genre... Ah c'est bon, 3 minutes, c'est bon, j'ai fait mes affaires, dépêche-toi. Ouais. Pourquoi toi tu continues en fait? Parce que tu es très amoureuse. Je crois que c'est ça. Mais vu comment c'est continu, je pense que ça va surtout... On va dans le chute de Nagara tous les deux. Ouais, sans comment. Le mec, il rentre dans ton vagin, il check son téléphone s'il y a un message qui arrive, sans comment. En plus, si tu dis que tu galères à chaque fois pour le voir, franchement, où est l'intérêt, quoi? Ah, t'as pas trop galéré, j'ai galéré, hein. Pardon, tu dis? Pour galérer, je galère. Pour galérer, elle galère. J'ai... Ah, merci. Alors, tu penses que... On va essayer d'ouvrir un peu le débat hein, ouais. jusqu'au bout. Quand il se trompe de trop. La fois où il s'est ouais. trompé de trop. Donc ouais. on ouvre le débat. On ouvre le débat. Ouvrons le débat. Quand il se trompe de trop, c'est plutôt sympa, c'est plutôt. D'accord. Moi j'ai ma réponse. Non mais tu sais quoi, j'ai l'impression que c'est un sketch en fait que de coucher avec ton mec. Je te jure. J'imagine trop le mec quoi. C'est quoi la prochaine qu'il va nous faire? Tu sais, il va dire... En fait, en général, c'est dans les vieux couples qu'on trouve ça. Tu sais, les femmes qui ouais. pensent à d'autres choses pendant que leur mari est sur leur boudin, tu sais. 0-820-203-200 pour réagir. Franchement, honnêtement, je trouve ça chaud. C'est vrai qu'on a des réflexes par rapport au téléphone portable. On vit avec, c'est en permanence, machin, etc. Donc, effectivement, t'as des réflexes à la con. Ouais. Mais c'est bizarre quand même. Moi, vas-y. Moi, je suis le mec avec ma chou. Je me débarrasse de tout ce qui pourrait me déranger. Oui, parce que tu kiffes le moment. Mais alors, à se poser la question, est-ce que lui, c'est le cas? C'est ça, parce qu'en une seule fois, il regarde un texto, il répond à un appel, ça fait beaucoup pour lui. Parce que quand un truc est intéressant, je te prends une série. Par exemple, tu regardes une série, si c'est ta série préférée, si c'est une série que tu regardes d'un œil en attendant d'avoir sommeil, peut-être que tu fais plein de choses en même temps. Mais si c'est un truc qui te passionne, à un moment ou à un autre, en fait, tu fais pas autre chose. D'accord. On est d'accord. Normalement. On peut avoir le numéro de téléphone de ce mec-là. Au moins, on est sûr d'une chose, c'est si on l'appelle. Il va répondre. Il va répondre. Ah, ça, c'est sûr. Bonne chance qu'il a fait. On a une réac du côté du standard qui nous rejoint. On a Evric. Salut, Evric. Bonsoir. Salut. Bonsoir, bonsoir. Ça va, Evric, ouais. Tu voulais réagir, mec? Oui. Je voulais dire, franchement, ton mec-là, s'il vient à répondre à ce message, pendant qu'il m'a fait coucher avec toi, moi, je ne sais pas ça, je te... Je te connais pas, je sais pas comment tu es et tout. Mais c'est soit lui, il n'est pas satisfait, soit franchement, il n'a rien à foutre de ta gueule. Je te jure, franchement, c'est ça. Mais franchement, à l'heure à laquelle on vit, machin, tu sais qu'un un SMS, c'est pas si respectueux que ça. Mais non. Ouais. Mais non, ça prend une seconde, tu check là, du coin de l'œil, paf. Parce que moi, je vais pas mentir, hein. Ta mère, il est une seule fois. Non, mais vraiment, c'est parce que franchement, la meuf, du tout rien. Franchement, ah non, ça m'a du tout pas plu. Alors, c'est la nana qui a regardé ses textos. C'est pas toi qui a checké tes textos pendant que tu couchais avec la nana. Non, c'est moi qui a répondu à un texto. Mais c'est que la fille. Ah, tu as répondu ? Attention, on a un stade ultime, les gars. On a passé un cran, attention, grand maître Shaolin. On avait le mec qui lit ses textos pendant qu'il couche. Lui, il a répondu à un texto. Et il arrive pour dire que ça se fait pas. Alors, Evric, quelle est ton excuse? Vas-y, on t'écoute. C'est parce que la fille, elle est en train de baiser avec moi. Mais la fille, quand elle est en train de baiser, la fille fait tout un cinéma pour gémir. Tout un cinéma pour gémir? Mais qui te dit que si elle gémit, c'est déjà pas un cinéma? Non, pour moi, c'est un cinéma. Parce que je c'est pas un exemple. Parce que à ce moment-là, elle était sur moi. La fille crie comme si que voilà, on aurait une égorgée. Soit dans un film. Bah, si elle apprécie, elle apprécie. Hein. Non, mais là, c'était pas de la... Attention, nous avions une petite allocution de la présidente du groupe des crieuses. Non, mais non, sois flatté. Tu devrais être flatté. Non, mais attends. Quand elle a fini, elle m'a dit, tu sais, je sentais pas vraiment. Tu sentais pas vraiment parce qu'elle était trop ouverte ou parce que c'était une étoile de mer? C'est elle qui lui a dit ça. Non. Ah. Elle a crié. Elle a dit, je sentais pas vraiment. Ah. Oui, tu criais comme ça. Et peut-être qu'elle t'a dit qu'elle... Peut-être qu'elle t'a dit ça pour se venger. de t'avoir vu répondre au message. Tu sais, quand j'entends ici en fait faire ce genre de d'hypothèses machin etc, je me dis ça ressemble vraiment aux gens qui t'inventent une vie quoi. C'est-à-dire que la nana, elle te pose une question, mais elle te répond déjà sur l'hypothèse. Qu'est-ce que tu fais? Tu nous fais un petit transfert? Est-ce que je te pose la question. Est-ce qu'on a déjà checké un SMS? En toute honnêteté, est-ce qu'on a déjà checké un SMS pendant qu'on couchait avec toi? Jamais. Est-ce qu'on a déjà décroché le téléphone et répondu? Jamais. Jamais. Alors, est-ce que le téléphone est forcément loin de toi ou alors le mec peut checker discrètement sans que tu t'en rendes Impossible. Compte? Impossible. Je suis trop occupé. Alors, quand le truc est très très bon, est-ce que tu fermes les yeux? Pas longtemps. Mais ça suffit. Non, je vous assure. T'as déjà checké un message ou répondu à un appel ou alors envoyé un texto pendant un an ou pas? Franchement, oui. Alors? Non, c'était un texto. En plus, c'était à ma première fois. Alors, c'était un texto que t'as reçu ou alors? Ouais, j'ai reçu. Et t'as répondu? Oui, parce que c'était mon papa. T'envoies des textos à ton père pendant que tu perds ta Non, je reçois un texto de mon papa. Et il répond à son père. Et t'as répondu. Oui, papa, c'est bon, je suis sur elle, c'est bon. Mais tu quoi, il faut que je fasse quoi maintenant? Tu sais, j'ai l'impression du papa qui a emmené son fils, tu sais, au but. Tu sais, il est de l'autre côté de la porte, il fait alors tout se passe bien. Pourquoi tu lui as pas répondu plus tard? Non, c'était urgent. Mais comment tu fais déjà? Attends, déjà, tu n'es pas censé savoir que c'est ton papa qui t'envoie un message parce que tu as pas pris le téléphone. Normalement, tu es pas censé être concentré sur ton téléphone, donc tu peux rater l'appel, peux rater éventuellement le texto. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'ennuyais? T'avais besoin de te rassurer avec un objet du quotidien? Non, je sais pas, ça a vibré, ça fait vum vum. Je peux te poser une question? Il était où? Non. Attends, il y a deux... Soit tu avais encore ton jean. Ou tu l'as déposé. Les gars, je vais m'étouffer. Juste après, tu bandais encore ou... Frère. Ah, je sais plus, moi. Non, mais alors, parce que ce qui est intéressant... Excusez-moi, je reprends mon souffle. C'est que t'as des gens qui sont capables de reprendre exactement le truc là où... Là où ils l'ont laissé. Bien sûr. Et il y a des gens qui en sont pas capables. Et tu te rappelles pas. Si, j'ai repris après. T'as repris quoi? Ton téléphone? Mais non, j'ai repris l'acte. D'accord, ok. Ah ouais. Et la fille, elle a réagi comment? Bah, elle regarde ses messages aussi. Bon, bah, enfin, wow, en même... Waouh! Mais c'est passionnant! La c'est super passionnant. Soirée! Hey, ta première fois, elle était triste à mourir. Mais t'as la meuf, elle est. Non, pourtant. Elle, non. Tu sais, elle est sur l'Instagram de Justin Bieber pendant qu'il la canne. Elle est en train de snapchatter, je sais pas trop quoi. Ouais, première fois. T'entends? Première fois. C'est la génération 2.0. Non, mais c'est un truc hallucinant. Mais je dis ça. Moi, j'ai déjà décroché le téléphone. Oh, mais toi, ça m'étonne pas. J'ai déjà eu une conversation. Mais ça n'était que dans un seul but, en fait, celui de rendre encore plus excitant le moment qui était en train de se passer. Ah, c'était je avec le copain de la fille. Alors, non, je suis pas. La Gaïa, c'est pervers, mon frère. Non, mais je suis pas sûr que ça me soit arrivé, ça. Par contre, ça m'est déjà arrivé avec la maman de la fille. Et elle me dit, ah merde, ma mère m'appelle, vas-y, décroche. Ah, Jorlan, tu connais? Hein, tu connais? T'as déjà fait ça ou pas? Je peux répondre. Ah ouais, Jorlan. T'as jamais fait ça? Moi, Nessie, ça m'étonne que tu aies jamais testé ça. Tiens, Lilou, tu l'as déjà fait toi ou pas? Alors moi, ce que j'aime bien, quand je vois mon partenaire au téléphone, j'aime bien d'entamer un acte sexuel à ce moment-là. C'est-à-dire, j'ai pas compris. Le déstabiliser, exactement. Je surkiffe. Donc c'est pas un jeu en fait. Ah moi c'est un challenge. Il est au téléphone, elle veut coucher. Ah. Ah non, c'est pas que coucher hein. Ça peut être une petite fellation qui commence de façon très très. On fait pas ça. Moi je peux t'assurer que moi je trouve que le Saint Graal c'est le côté la maman qui est au bout du fil, la maman de la fille. Ça je trouve ça très fort. Mais bon allez, après tu sais, j'ai fait une ou deux fois, bon allez, presque tout le temps. Mais je trouve ça cool. En fait, je trouve que ça augmente, ça sert l'acte sexuel parce que il y a un peu d'interdit, il y a un peu de tabou et puis il y a un total disrespect, j'avoue, mais tu vois, c'est de la connivence avec la nana. Parce que la nana, quand tu lui dis décroche son téléphone, elle comprend bien où tu veux en venir. Elle sait exactement. Elle va essayer de gérer, elle va se mordre les lèvres. Il y a quelque chose de sympa là-dedans. Alors que là, ce que vous êtes en train de décrire, toi Evric, toi Mayou, et en fait finalement Hugo. Excuse-moi, mais tu fais partie de leur famille ce soir. Il faut que vous montiez un club sur Facebook, les amis, parce que sincèrement, franchement, vous vous emmerdez pendant le sexe, c'est pas possible. La fois où vous avez fait ça, on a l'impression que vous vous emmerdiez. Evric, au moins, a l'honnêteté de le reconnaître. Tu t'emmerdais pendant. Mais non, du tout. La nana perdait sa virginité aussi? Je crois. Oh, merde. Putain, imagine-toi le souvenir de la nana. C'est-à-dire qu'en fait, concrètement, vous êtes là. Mais franchement, c'est se tirer une balle dans la jambe. T'es là, tu couches avec la nana, c'est la première fois. Au lieu d'être concentré à ce que tu fais pour essayer de lui donner un souvenir impérissable, parce qu'en général, le premier, on l'oublie pas. Sauf que franchement, tu sais un truc, si la deuxième personne avec qui elle couche dans sa vie, il décroche pas le téléphone, il est un peu concentré sur elle, c'est lui qu'elle retiendra et pas toi. Mm-hmm. Parce que t'es là dans une histoire de téléphone, machin, etc. Mais comment vous vouliez être connecté? Vous aviez peur en fait de vous croiser. Les gens sont en train de regarder autre chose. Mais vous étiez, non, on était pas sur Pornhub. Vous étiez sur Pornhub. Non, c'était une petite pause. Pendant la petite pause, chaque je réponds à papa. Et attends. Ah bah il y a des pauses. Oh, ça dépose. Bah oui, il y a des pauses. Attends, c'est long mes affaires. Hein. Ah bon? Bon. Ouais, c'est ça. Mais qui? On dirait que. tu sais comment on fait vraiment? C'est des pauses. Ah bah visiblement on fait avec le téléphone. Hashtag G97, hashtag TraceFM, 0820 203 200 également sur le net www.trace.fm. On va appeler le copain de Mayou. Ah ouais, on va appeler ton copain Mayou. On est sûr qu'il décrochera. Evric, t'as pas le numéro de la nana en question? Tu veux pas nous donner le numéro de la nana? Je l'ai même plus. Tu l'as même plus? Non, parce que bah, c'est pas grave. C'est pas grave, tu sers à rien. Allez. On a Mayou qui nous file le numéro de son mec. On va l'appeler. On fait ça juste après Soprano. Soprano qu'on va écouter évidemment avec Le diable ne s'habille plus en Prada, mais check ses SMS comme ça. À n'importe quel moment, on vient fia. Bah ouais, c'est comme ça, c'est la vie. On revient juste après Madagualayana. Il y a du sexe confessionnal. Et puis, on se prépare tout à l'heure à l'appel, la hotline des cocoteurs. Restez avec nous. Pour la rentrée, Digicel n'a pas fait les choses à moitié. Tous vos forfaits Digicel sont à moitié prix pendant 2 mois. Que diriez-vous d'un forfait no limite 1 heure à 8,50€ pendant 2 mois? Rendez-vous vite dans votre boutique Digicel. En ce moment, le nouvel Alcatel Pop 4 Plus avec son grand écran 5,5 pouces est à 29€. Et le nouveau Wicolini 3 est offert. Vivons l'extraordinaire. Digicel. Offre valable jusqu'au 2 octobre 2016. Remise appliquée sur le montant des 2 premiers mois de forfait. Prix des mobiles dans le cadre d'une offre portabilité, durée d'engagement minimum de 12 mois. Voir conditions en point de vente. L'amour, le désir, ça ne fait pas tout. Nous deux, au 97-300, nos experts te diront si vous êtes vraiment compatibles. Nous deux, NOUS 2, au 97-300, passerez-vous l'épreuve du quotidien? Une vie de bonheur à deux? Un instant de douceur et un adieu? Nous deux, au 97-300. 65 centimes plus prix du SMS DGP. Trace FM, toute la semaine. De 14h à 16h. Reste scotché à ton poste pour deviner les sons de la prog de Trace. 14h, 16h. C'est quoi ce son? C'est quoi ce son? Dès que tu entends le signal, écoute bien le son qui suit. Appelle-nous au 0820 203 200. Dis-nous qui chante et c'est gagné. C'est quoi ce soit ce son? T'as deviné? Appelle et repars avec ton kit Trace série limitée t-shirt plus sticker plus pochette mobile étanche pour ton smartphone. Ici, au 96-300, dans tous les coins de l'archipel, t'attendent des centaines de gens qui, comme toi, veulent trouver l'amour. Ici, ICI, au 96-300, consulte les profils d'hommes et de femmes de toutes les Caraïbes. Alors envoie par SMS, ici, au 96-300. 50 centimes plus prix du SMS déjà. Pas de limite. Monsieur, avant ma chute, j'étais vraiment riche et heureux. J'étais le plus grand conseiller des hommes, même en haut lieu. On faisait appel à mes services pour prendre malheureux. Monsieur, tout le monde signait avec moi en fermant les yeux. Sur terre, le péché est un business fructueux. Je faisais mon chiffre en vendant le désir et le feu. Oui, le malheur des uns fait le bonheur du plus véreux. J'offrais le pouvoir au portefeuille du plus généreux. Mais l'époque a changé, l'époque a changé. Les hommes n'ont plus besoin de moi. Oui, l'époque a changé, l'époque a changé. J'ai tout perdu depuis que les hommes font bien pire que moi. Le diable s'habille plus en Prada. Les hommes lui ont fait les poches, lui ont pris sa femme. ça, Big Bad DJ. Oh oh. I just went got my door. Pull it off and I'm gone. Then I go up before. Then I roll up, that roll up. Then I'm calling your whore. For me. I'm just standing nothing to say, cause your lips them look so good like them teacher. Your lips family drop it for me. Oh la la, mama fait tout péter. So you on the road yesterday. The rhythm your waist up like two lelele. Cause I must get a taste of that waist, mama, before I die. Just give me where you never give nobody, don't be shy. I know all of them who watching, they go talk. But when they talk, we go tell them, I don't know about you. But when I down in the band, me and a woman, I'm be chanting, no na na. She dancing to Afro soca. I don't know about you. But when I'm on the road and I'm in the boat, you know I'm not sober. She rip me like a mangrove, got me chanting. Facebook? Non, non, non. C'est arrivé également à Evric. Sauf que Mayu, elle, elle va plus loin. Elle nous a donné le numéro de téléphone de son mec. On va essayer de tenter une enquête. Elle veut juste pas être découverte, ok? On a la hotline du cocoteur qui débarque dans un instant, les traceurs. On fait un big up à Tijo, s'il vous plaît. Ouais! Tijo! Un big up à tous ceux qui sont sur la route ou tranquillement posés à la maison en train de s'ambiancer. Hashtag G97, hashtag TraceFM pour nous rejoindre sur les réseaux sociaux. 0820 203 200. Le soir, tout est permis dans Génération 97 sur Trace FM. Si j'ai bien compris le deal, Mayu, tu nous as donné le numéro du mec qui check ses SMS pendant qu'il couche avec toi. Mais il faut pas qu'il sache qu'on appelle de ta part, en fait. Voilà, c'est ça. Ok. Bon, ben on va faire ça discrètement. En mode en mode mission impossible. Ah ouais. Ça va être chelou. On appelle. Attends, je sais pas, moi c'est le premier truc, hein. Je vais poser la question. Ah ouais. Je vais y aller direct. Hein. On t'appelle pas de la part de ta copine. Mais on a une question à te poser. On pose le numéro de téléphone, on y va. C'est chaud. Donnez-moi le nom d'un site. D'un site que tout le monde utilise. Parce que tu sais, chacun a un peu ses préférences. Mais genre, un site porno que tout le monde utilise sur son smartphone. YouPorn ? Moi, je sais pas si c'est encore tendance YouPorn. Moi, j'avais jamais aimé Jackie vraiment YouPorn. Non, Jackie et Michel aussi, je crois. Non moi, plus. J'y vais. Pornhub. Ouais, je pense que Pornhub ou Xhamster, ça peut marcher. On y va. Ouais. On y va. On pose son numéro de téléphone. Les gens qui passent leur vie sur les sites porno. Ils les connaissent tous. Ouais, c'est lequel le meilleur en ce moment. Bon, on échange les bons plans, les bonnes adresses, mec. Ça va, fais pas ta pucelle. On a la hotline du cocoteur qui débarque dans un petit instant. Mais je fais mon branleur. Ça sonne. Alors la bonne nouvelle, s'il décroche pas, c'est qu'il est pas en train de niquer. Hein, s'il décroche pas, c'est qu'il est pas en train de faire l'amour. Apparemment, il décroche que quand il fait l'amour. Allô ? Allô ? Il n'est pas disponible pour le moment. Ah, il n'est pas disponible. Alors visiblement, que fait-il quand il n'est pas disponible ? C'est ça la vraie question. Hein ? C'est pas sa voix, c'est pas sa messagerie ? Allô ? Oui. Oui, ce n'est pas le numéro, la plus souvent, il ne décroche pas. D'accord. Donc en fait, en gros, il faut que je l'appelle de mon téléphone portable perso. Tu peux essayer, vas-y. Oublie ça. Oublie ça, on va le faire de. On va le faire du téléphone portable d'Hugo. J'envoie lui un WhatsApp. Mais putain, je te jure. Oh, putain, attends, je vais essayer. Ça me saoule. Oh là là. Ah, je sais même pas si ça va marcher comme ça. Yannick. J'essaye de mon téléphone portable. Attends, on t'appelle ou bien tu. Non, je l'appelle. Je l'appelle. Ah, je. Il vaut mieux que je mette le haut-parleur ou je sais pas. Ah oui, non, ça sonne. 1, 2. Hey baby, hello. Là, j'appelle en non masqué. Hein. Théoriquement, il devrait décrocher. Hein. Ça veut dire... Non, bah, tu vois, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose... qui fait qu'il est suffisamment occupé pour pas décrocher, Mayou. Et il lit pas mes messages. Il lit pas tes messages ? Il lit pas, il vient de me répondre. Il t'a dit quoi ? Bon, je te crois pas la dernière fois. Ça m'appelle encore deux fois, je suis petit. Non mais on essaye une dernière fois, mais je veux dire, à un moment ou un autre, s'il répond pas, qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse ? Nous, on avait envie de découvrir cette personne qui a l'air exceptionnelle. Cette personne qui est capable de checker un message pendant qu'elle couche avec toi. Ce mec, en plus, dont tu nous dis être amoureuse, hein. Oui. Allô ? Bonsoir, Mathias. Bah, c'est mort pour ce soir. C'est mort. Mais l'enquête continue, ne t'inquiète pas. On appellera demain. Ok, Mayou ? Bonne soirée, Miss. Bye bye. Ciao. 0820-203-200. Dans un petit instant, il y a la hotline des cocoteurs. On va appeler Phallus transgénique. Alors, c'est le nom du mec sur. Son pseudo. Sur le site de rencontre. Ouais. Écoutez l'intensité de la voix. Parce qu'il est déjà chauffé depuis tout à l'heure hors antenne par Hugo. Tu es vraiment chaude, hein, toi. Et alors, tu as envie de passer tes doigts ? On l'appelle dans un petit instant. J'adore quand ils font cette voix-là. Tu sais, cette voix de. Qu'est-ce que t'as à nous dire alors sur les trucs qui cassent forcément le sexe, qui bloquent forcément l'envie ? Elle a fait largement sa participation, Mayou. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Qu'est-ce qu'on peut lister d'autre, Lilo ? Alors, moi, par exemple, j'ai eu une expérience pendant l'acte. Et je peux t'assurer que j'y ai réfléchi à deux fois avant de recommencer l'acte. C'est-à-dire que j'étais avec un monsieur, vous trouverez le surnom du monsieur de vous-même une fois que j'aurai fini de vous raconter. Ah oui, on le connaît en fait. Non, possible. Déjà, s'il a un surnom, c'est un DJ. Ouais. Donc, tout se passait bien, on avait bu quelques verres, c'était après une soirée. Jusque-là, tout va bien, on s'échauffe, préliminaire passe. Et puis, monsieur commence à me pénétrer, tout se passe bien, on s'échauffe. Et puis, d'un seul coup, monsieur se retire et commence à uriner dans le lit. Aïe. Oh. Un homme fontaine. Un homme fontaine. Un homme fontaine. Mais c'était quoi ça? Non, sérieux? Je sais pas, il a pas osé m'expliquer. Et puis quand il est sorti de la salle de bain, ben, j'étais déjà dans ma voiture. Ah ouais. Ah, c'était dans son lit. Uh-huh. Ah ouais, vomi. Il s'est pissé dessus en fait, le mec. Je crois, ouais. Mais enfin, c'est bizarre, je sais pas. Mais pas je sais pas. Je sais pas. Bande de rapports sexuels. Il avait des fuites, je sais pas. Mais je suis content théoriquement... qu'il soit quand même sorti avant de commencer. Alors, tu sais... Ah ouais. Ah ouais. Mais non, peut-être que ce serait chaud, ça t'aurait pu. Alors par contre, donc visiblement. Je ne suis pas toi. Il était pas... Aïe, aïe, aïe, aïe. Alors par contre, il était pas en train de remplir un petit ballon alors. Non. Non. Donc c'était sans capote. Ah si, bien eh sûr. Bah alors, peu importe qu'il soit à l'intérieur de toi ou pas, il aurait juste gonflé un truc qui aurait été très rigolo à sentir. Non, ce serait ressorti. Voilà, c'est ça. Ça aurait... Enlever. Non mais alors, ok, il y a quoi d'autre comme expérience un peu qui casse? Ça fait pas que casser, c'est carrément dégueulasse. Quoi d'autre? Ah non, c'est pas que casser, c'est la personne, tu l'oublies, elle peut plus te rappeler, tu la blacklist, c'est terminé. Il y a quand même des filles qui aiment ça. Théoriquement, scientifiquement, c'est impossible d'uriner en même temps qu'on bande. Non. Non. Alors si, je suis désolé, tu vérifies, viens, on va sur Doctissimo. Non, c'est en même temps que tu éjacules. Voilà, pendant que tu éjacules, ok, tu peux pas. Moi, je reste persuadé que uriner et bander, c'est pas possible en même temps. Ça t'arrive tous les matins. Ça t'arrive tous les matins. Tu te réveilles, tu sais même pas quelle position faire pour pisser. Si elle te dit que ça lui arrive. Tu es debout sur toi là et tu as envie de faire pipi en même temps. Attends, c'est très différent parce qu'effectivement, quand t'as eu un gros moment de sexe, ok, que t'es encore un petit peu pas complètement dur, c'est pas vrai, c'est pas possible, ok. Maintenant, c'est vrai que ton zizi, tu as l'impression qu'il choisit lui-même la direction du pipi. Qui n'est jamais en rapport avec l'endroit où se trouve la cuvette, c'est vrai. C'est pour ça qu'à ce moment-là, le meilleur endroit pour pisser, c'est la douche. Mais moi, scientifiquement, j'étais persuadé en tout cas qu'il était impossible de uriner et de bander en même temps. Voilà. Alors, pourquoi est-il impossible d'uriner lorsqu'on est en érection? Je suis sur un topic. Allô, docteur. Tu vas les informer de mon cas parce que... Il y a un mécanisme de sauvegarde de la vessie qui fait que lorsque l'homme... Oh non, c'est Windows. Norton antivirus. Comment ça s'appelle la petite box là, Apple là, pour tout sauvegarder là? Le cloud. Non, c'est le cloud, c'est encore autre chose, mais c'est bon, ça fonctionne avec le cloud. Il y a un mécanisme de sauvegarde de la vessie qui fait que lorsque l'homme est en érection, les muscles périvésicaux, empêchent le canal qui va de la vessie à l'urètre de pouvoir laisser s'écouler l'urine. Bon ben les miens ne marchent pas. Ce qui rend impossible le fait de pouvoir pisser et éjaculer en même temps. L'urètre est le même canal, mais on ne peut pas faire les deux. Alors on parle d'éjaculation. Éjaculer, ok. On parle d'éjaculation. C'est pendant une érection. Mais alors, je demande l'avis du public, quoi. Alors on en explique qu'un petit garçon, en revanche, tant qu'il n'a pas terminé sa puberté, il était majeur. En revanche, peut uriner avec une bonne érection et un vrai jet. C'est non, pas comme ça, Nancy. Il était majeur, je t'assure. C'est un truc qu'on constate chez les jeunes enfants, ce qui fait rêver ceux qui sont moins jeunes. Oh merde. Ah, il t'avait menti, hein. En fait, concrètement. Le matin, tu pisses comme un enfant de 3 ans, quoi. C'est ça, quoi. J'apprends ça en direct. Non, mais les gars, renseignez-vous, je sais pas, avant de dire un truc. Mais non, mais j'ai pas besoin de me renseigner puisque je me connais, je sais ce que je fais. Mais je savais pas que c'était pas normal. Bah, a priori, ça l'est pas. En fait, techniquement, j'ai pas fini ma puberté, quoi. Je sais pas, ne prends pas ça pour une excuse pour aller traîner près des collèges, hein, mec. Bref, on a Willem qui nous rejoint du côté du standard. Bonsoir, Willem. Allô, allô. Salut. Ça va, frangin? Ouais, ça va, tranquille. On t'écoute, Timal, tu voulais réagir? Ouais, non, je réagis avec la meuf, là, de tout à l'heure. Mm. En fait, qu'elle disait que son mec, voilà, quoi, qui répondait à un texte pendant qu'il la quenait, en fait. Ouais. Moi, je suis désolé, c'est un manque de respect. Tu trouves que c'est un manque de respect? Bah, bien sûr. Et si c'est la commande de fleurs, éventuellement, de je ne sais quel fleuriste qui demande est-ce que c'est la bonne adresse? C'est bien de checker. Non, non, non, j'en ai rien à foutre de qui ça se fait pas, quoi. Quoi, tu vois. Non, non, non, non, non, quand je ken, c'est tout. Donc en fait, à quel moment c'est permis de checker son Facebook, de checker ses SMS? Après? Parce que même après, j'ai l'impression que les filles font la gueule un peu quand tu le fais après, tout de suite après. Moi, je le fais. Ouais. Non, c'est faux, c'est faux. Mais toi, t'es pas vraiment une fille, quoi. Ouais, vas-y, Willem. Bah attends, quand t'as fini, quand t'as... voilà, t'as fini. Là, c'est légal, t'as le droit, sans aller en prison. Bah attends, bah, je suis désolé, attends, tu vas faire quoi? Moi, je sais pas, bah, moi, je trouve que... Attends, non, mais le gars t'a dit, tu vas faire quoi? J'ai fini, où? Tu vas faire quoi? Non, parce qu'à la limite, le SMS, j'avoue que c'est choquant, le SMS. C'est choquant parce que ça veut dire que tu es pas entièrement dédié à ce que tu fais. Ouais. Mais le coup du téléphone, moi, en fait, tout ce qui peut servir l'excitation supplémentaire dans l'acte, moi, je trouve ça cool. C'est-à-dire que décrocher son téléphone, ton patron t'appelle pour te dire, vous m'avez pas envoyé votre arrêt maladie ou un truc comme ça. Ta meuf, elle est là en train de kiffer et elle se mord les lèvres en disant, ouais, mais je me sens vraiment pas bien. Ça peut être super sexy, tu vois ce que je veux dire? Ouais, j'avoue. Donc le SMS, non. Le coup de téléphone qui sert l'acte sexuel, pourquoi pas? Le coup de téléphone, genre répondre à ton patron parce que tu as pas traité un truc, ou alors répondre à ton pote qui a pas noté ce qu'il y avait à noter dans le cahier de texte, ou éventuellement. Mais attends, c'est pas la peine. Tu parles de la meuf qui répond à son téléphone, mais le mec qui répond à son texto, c'est différent. Est-ce que c'est forcément un signe d'ennui, Willem? Parce que franchement, honnêtement, on a ce réflexe là tout le temps. Avant, un mec, oui. Une meuf, non, je suis désolé. Une meuf qui a tombé pendant son téléphone, c'est là, voilà, elle se fait chier. Un mec, il te, voilà quoi. Alors le mec, c'est quoi l'explication? Je sais pas. Imagine une autre meuf qui l'appelle. Mm-hmm. Mais il est en train de se dire, bon ben, là il est en train de finir un truc, et il arrive quoi. Le gars qui a le rendez-vous suivant. Son planning, tu sais, c'est une notification pour lui dire, vous avez un rendez-vous dans 10 minutes. Il va falloir accélérer. Avec l'itinéraire, tu sais, marqué tout dedans. Willem, tu n'as jamais checké ton téléphone pendant un sexe? Non, jamais. Si ce n'est pour prendre un autre rendez-vous. Et par exemple, toi, qu'est-ce qui casserait complètement l'acte? À part le SMS, il y a d'autres exemples peut-être. Il y a d'autres trucs qui t'ont déjà cassé ton délire, plus envie, ça tue quoi. Par exemple, moi c'est pas mon cas, hein, mais moi je sais qu'il y a des potes, par exemple, leur mère qui les appelle en fait éventuellement. Nessie est un peu comme ça par exemple. Nessie, pour balancer le nom, Nessie, le numéro de son papa.